La technique, faire fuser les syllabes. J'étais prêt à jaillir, mais il me manquait une arme. Terré dans mon trou, la plonge dans le tas. J'ai trimé, trait par trait, trouvé la trame. Et la terre théorise, télorise à la trappe. Il me manquait un truc, pas d'entrée, trouvant le trac. Dans ma peau, mon cœur, garçon, ce vie-là. Mes actes seraient pour l'or, la lame, le vocable et un squat de barjot. Nous sommes sept devant toi à représenter les nôtres. Notre grand patron naîtra, combattre l'insipide. Dont la mazoite, on reconnaîtra, appris à se réjouir. Le petit monde aime son sérail. Il déteste qu'on entende une poignée de samouraïs qui tire les soucis. Bonsoir, chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Le vendredi soir, à partir de 19h, vous savez, c'est le rendez-vous des artistes locaux de la région orléanaise, donc Albino sur Radio Arc-en-Ciel pour l'émission Mavrica. Aujourd'hui, c'est l'édition numéro 630. Et comme vous le savez, tous les vendredis soirs, il y a des invités qui sont là dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Alors tout à l'heure, je vous donnerai la liste de tous les invités qu'on aura dans les prochains mois, parce que le programme est assez chargé. Donc il y a beaucoup de gens qui sont en attente pour l'instant, mais on va caler des dates, il n'y a pas de souci. Les meilleurs artistes de la région passent dans l'émission Mavrica. Et on a commencé cette émission avec Glazone, un groupe que nous avons déjà reçu à deux reprises dans les studios. Il s'agit d'un groupe qui fait de la musique de la Dark Wave. Et le morceau qu'on a écouté s'appelle Darling. Juste avant, c'était juste après, je regarde dans le désordre. The Happy Go Lucky Band, voilà, j'ai réussi à le dire. Red City Halo, donc de la musique américaine comme on l'aime, hein, c'est très country, très très agréable en tout cas. Le groupe Yeti avec The Maze, Skydroll avec Burn, Turn Off avec Tout Va Bien, et on vient d'écouter à l'instant un groupe qui est venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel il y a quelques temps, ça fait déjà un ou deux ans, hein. Le temps passe très vite dans l'émission Mavrica et dans la vie aussi, hein, c'est comme ça. Donc c'était Dirty Charlie avec L'Or et le Sabre. Voilà, la semaine dernière donc nous avions reçu quelqu'un dans les studios, c'était pas prévu, hein, à l'origine, c'était un phoneur qu'on devait faire et on devait présenter son nouvel EP qui contenait 5 morceaux, donc ça devait être vite fait. Et finalement, on a eu la surprise de voir, c'était la première fois dans les studios Radio Arc-en-Ciel que Max Livio venait dans l'émission Mavrica. Pourtant, c'est quelqu'un qui a fait de la radio il y a quelques années déjà sur Radio Arc-en-Ciel, ici même, dans la même fréquence. Et donc, ça lui faisait plaisir de revenir voir son ancienne maison, puisqu'il était venu pas mal de temps. Et puis, donc, on a pu écouter sa musique. Et d'ailleurs, je vous propose d'écouter juste après un petit morceau de Max. Ça s'appelle Les Mirages de l'Homme. Et puis, donc, on est ensemble jusqu'à 22h. Et je ne vous l'ai pas encore dit, mais les invités ce soir, ils sont là dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ils sont deux, hein. Ils représentent le groupe qui est composé de 4 personnes. Il s'agit du groupe La Jarrie. Le 21 février, on a reçu ici le groupe Narcose. Le 28 février, c'était Max Livio. Aujourd'hui, La Jarrie est dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Le 14 mars, on va recevoir... Non, je vois qu'il y a un truc qui est décalé. Je ne sais plus ce que j'ai voulu faire. Enfin, voilà, dans mes notes, c'est un petit peu le bazar. Le 14 mars, en tout cas, il y aura Lustolassi dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Le 21, ça sera le 21 mars. Siragis pour la première fois dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Encore une découverte. Le 28 mars, ça sera Azen Blues qui participeront au prochain Mavrica Live. Le 4 avril, ce sera le groupe Rascas. Le 19 avril, je vous l'annonce tout de suite, hein. Le 19 avril, c'est pas un vendredi, c'est un samedi, ça sera le Mavrica Live. Et le 13 juin, nous recevrons Max De Giovanni. Voilà, c'est un autre Max, hein. Mais celui-là, il nous vient de Biarritz, de la région du sud de la France. Et pour la deuxième fois, il viendra dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Voilà, les rendez-vous sont pris. On est ensemble jusqu'à 22h avec le groupe La Jarrie. J'ai tant besoin d'amour, tant besoin de toi. Si je suis hystérique, tu arrives et tu me calmes. Et puis mon cœur s'emballe quand j'abuse de toi. Tu me remets en place, tu me dis que tu ne veux pas que notre histoire s'arrête et tu me manques déjà. Alors pitié, je peux pas vivre sans toi. Donne-moi un peu d'amour, donne-moi un shot de toi. Alors pitié, juste pour une dernière fois. Donne-moi un peu d'amour, ouais, donne-moi juste un shot de toi. De toi. Plus je te fuis, plus tu me suis comme une étincelle. Quand je deviens un ange, tu me brûles les ailes. Tu me fais oublier tout ce que j'attends de toi. Et tu me fais goûter juste un shot de toi. Alors pitié, je peux pas vivre sans toi. Donne-moi un peu d'amour, donne-moi un shot de toi. Alors pitié, juste pour une dernière fois. Donne-moi un peu d'amour, ouais, donne-moi juste un shot de toi. De toi. Et quand au cœur de la nuit, au milieu des chimères, tu hantes toutes mes insomnies. Ta présence, ton regard, ton odeur, ton tout, ton tout, ton tout. Alors pitié, pitié. Alors pitié, je peux pas vivre sans toi. Donne-moi un peu d'amour, donne-moi un shot de toi. Alors pitié, juste pour une dernière fois. Donne-moi un peu d'amour, ouais, donne-moi juste un shot. Alors pitié, juste pour une dernière fois. Donne-moi un peu d'amour, donne-moi un shot de toi. Alors pitié, faut pas blesser comme ça. Donne-moi un peu d'amour, ouais, donne-moi juste un shot de toi. De toi. Hey. Alors pitié. J'ai puisé dans les fonds d'un océan de larmes. Le reflet de l'écho qui résonne dans mon âme. Désert de sable, mais de poussière devient poussière en soi. Mais connais ça, j'aimerais faire entendre mes prières. On est dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, ici à Fleury-les-Aubrais, à 5 minutes du centre d'Orléans. Et nous accueillons donc nos invités. On va juste rappeler les deux morceaux qu'on a écoutés. On a écouté Max Livio, Les Mirages de l'Homme. Donc c'était notre invité de la semaine dernière. Et juste avant, c'était Un Shot de Toi, le groupe Lajari. Le groupe Lajari qu'on accueille tout de suite à l'antenne. Bonsoir. Albino, salut. Bonjour. Voilà, donc Benoît et David, dans le désordre d'intervention, hein, donc c'est d'abord David qu'on a entendu, ensuite Benoît, donc le groupe Lajari, les deux frères Pourteau. Donc on peut aussi citer les deux autres, hein, parce qu'ils sont très importants. À la basse, nous avons Arnaud Botin, et à la batterie, nous avons Alexandre Thibault. Voilà, on a oublié personne ? Non, c'est tout est ok, pas de souci. Voilà, donc on s'est vu dimanche, puisque vous étiez en concert... au Tattoos Show, c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, c'était le Orléans Tattoo Show, qui était un espèce de, enfin de salon pendant 3 jours où il y avait plein de tatoueurs du monde entier qui venaient, et puis ils ont la bonne idée d'organiser des concerts, et ils ont eu la sympathie de nous inviter, donc on était super contents de venir jouer. Oui. Là-bas, à cette occasion, c'était cool. Et donc, les tatouages, le rock'n'roll, ça va un peu ensemble. Est-ce que vous êtes tatoué, vous ? Ah, ça, c'est le grand débat de la semaine dernière. Ouais, c'est vrai que tout le monde nous demandait. Moi, le premier, on me dit, ça y est, t'as sauté le pas. Je dis, non, pas encore, mais ça n'empêche pas que j'apprécie. Voilà, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Quand c'est bien fait, c'est chouette. En plus, il y avait des sacrés tatoueurs, des sacrés artistes. Non, mais c'est vrai qu'ils font. Après, le fait, ils font les choses bien parce que, le mec d'Orléans qui veut se faire tatouer, là, il a vraiment un choix. Ça vient du monde entier, hein, à ce salon, donc c'est vrai que c'est plutôt une belle initiative de Arnaud Métivier, qui est l'organisateur, avec sa femme Christelle. Mmh. Et tu vois, ils aiment la musique en plus, donc c'était une belle journée pour nous en tout cas. Voilà, donc c'était dimanche à 15h, donc en plein après-midi, donc un concert où il y avait pas mal de monde qui était venu, plein de gens que je rencontre souvent dans les concerts, qui sont venus vous voir. Et d'ailleurs, il y a des personnes que j'avais pas vues depuis votre précédent concert, donc il y a des habitués quand même, hein, qui viennent vous voir. Voilà, donc qu'est-ce que vous en avez pensé de ce concert-là ? Comment ça s'est passé ? Ouais, on va en parler un petit peu quand même. Non, c'était un peu... on l'a abordé un peu comme un showcase, puisque comme tu l'as dit, c'était en plein après-midi, et puis c'était l'occasion pour nous de rejouer des chansons qu'on va jouer toute cette année, puisqu'on repart en tournée là bientôt. C'était un peu le début pour nous, puisque la tournée va démarrer, a démarré, on peut dire, dimanche dernier, et après on continue, on va enchaîner pas mal de dates cette année. Je crois qu'on a 60 ou 70 dates sur les 18 mois qui arrivent. Donc, oh là. Donc beaucoup de boulot, hein. Ouais, ça va être cool. C'est l'aventure, ça, c'est ce que vous aimez aussi, hein. Bah forcément, la scène pour nous c'est notre vie, en fait. Bah ouais, donc du coup quand on, il y a toujours cette période un peu avant de commencer, et c'est toujours la difficulté quand on sort un album ou des EP en l'occurrence, là on doit toujours faire un petit peu la part entre les nouveaux titres, les anciens, respecter un peu l'équilibre du concert en mettant une nouvelle chanson, mais ça veut dire qu'il faut qu'on en enlève une ancienne, donc laquelle on en remet une nouvelle. Il faut pas que ça se casse la gueule au milieu, donc tu vois, on essaye. On a toujours des périodes comme ça de tests sur 3-4 concerts où on essaye de tester les trucs, voir si ça fonctionne. Et après, il y a aussi des retours à la fin des concerts, les gens qui viennent vous voir en disant tiens, vous avez pas passé la nouvelle, ou alors vous avez pas passé telle ou telle chanson. Ouais. Et donc là, c'est pareil, vous étiez revenu quand même aux origines. Il y avait le Chat Noir, j'avais en tête. Il y avait Intact. Intact. Ouais, aussi. Depuis très longtemps. Ouais, ça faisait longtemps, ça. Non, c'est plutôt cool, entre guillemets, puisque c'est vrai qu'à chaque concert, on a des gens qui viennent nous voir et qui nous disent, ah, vous avez pas joué celle-ci, moi, je voulais que vous jouiez celle-là. Enfin, donc voilà, on essaye aussi de varier les chansons pendant la tournée, pendant les sets, selon les villes, et même pour nous, tu vois, c'est agréable aussi de jouer différentes chansons et pas jouer les mêmes chansons tous les soirs, donc voilà. Et parfois tu joues 40 minutes, parfois selon le festival 45, une heure, et puis après d'autres concerts où tu joues 1h45 minutes, tu vois, ça dépend des configurations et des contextes de festival ou de concert. Donc du coup, ça change un peu l'ordre évidemment du truc. Mm-hmm. Donc voilà, il y a différentes versions. et puis les gens qui viennent vous voir, surtout à Orléans, les gens qui vous connaissent, bah ils ont envie d'écouter les chansons qui vous ont fait connaître et tout ça. Donc voilà, ils aiment bien aussi revenir en arrière. C'est un peu comme si on allait voir Indochine et ils chantaient pas l'aventurier, ou comme s'il y avait Axel Bauer qui chantait pas Cairo de nuit. Donc il y a quand même Mea Culpa, ce morceau-là, et c'est un de vos morceaux préférés, je suppose aussi, que vous aimez bien interpréter et que les gens reconnaissent très facilement, quoi. Oui, c'est vrai que bah il y a des chansons qui sont un peu nos porte-bonheur au fur et à mesure de notre carrière, mais on les joue pas tout le temps, tu vois. Là dimanche, il y a un titre qu'on aurait pu jouer, qui a été pas mal diffusé, notamment sur des stations de radio, un titre comme Promesse par exemple, on l'a pas joué. Voilà, on essaie de changer aussi de répertoire un peu de temps en temps. Bah oui, il faut s'adapter au public, à l'endroit, au moment, hein, parce vrai. Que dans l'après-midi on fait pas la même chose qu'on ferait le soir, je suppose aussi. Et puis après, d'après la salle, c'est pareil, les éclairages. Là c'était en plein après-midi, donc en tout cas les éclairages étaient bien. Il y avait la vidéo et tout ça, donc une très bonne. Vous êtes entouré d'une très bonne équipe aussi. Le son était impeccable, donc félicitations en tout cas pour ce concert-là. Donc le prochain concert d'Orléans, il y en a déjà de prévu, non, ou pas encore? Bah écoute, pour l'instant non. La prochaine date, là on part dans les montagnes bientôt. Ce sera du côté de Avoriaz, la chapelle d'abondance, exactement. Enfin, et après le festival Rock the Piste, hein, qui est un bel endroit. Un festival rock qui s'appelle Rock the Piste, et puis après on continue la tournée. Après il y a Pau en avril, après on va jouer à Strasbourg et Lyon, et après il va part un peu à l'étranger aussi cet été. Voilà. On va jouer au Canada évidemment, on va jouer aux US, ouais, aux US aussi, au mois de juillet, mi-juillet, ouais. Ouais. D'accord. Et d'autres pays européens, non? Écoute, j'espère qu'on va aller en Allemagne, ce serait cool. D'accord. Et en Angleterre, comme on fait de temps en temps aussi, enfin voilà, et puis bah forcément, il y aura la Suisse et la Belgique qui vont traîner. Voilà, on va essayer de goûter aux mets locaux. C'est ce qu'on aime bien faire aussi à chaque fois. On essaye de se européaniser, européaniser, c'est ça? Européaniser, ouais, c'est un peu la mode là. Ouais, en ce moment, ouais, ils parlent beaucoup de ça. Ouais, voilà. Mais on met pas les casques et les mitraillettes. On y va pacifiquement. Et, puis, ouais, et quand on va en Suisse et en Angleterre, en l'occurrence, on n'est pas concerné. Exactement. Ouais, en plus, bon, vous avez d'autres armes qui sont quand même beaucoup mieux. C'est de la musique. Je crois que c'est un langage international, tout le monde peut le comprendre et tout le monde peut s'entendre justement grâce à la musique. Donc très bien, vous partez pour faire une tournée 18 mois, c'est ça? Oui, à peu près. Ouais. Et puis tu vois, en même temps cet après-midi on était en studio en train de préparer déjà le prochain, enfin voilà, il y a pas mal de choses en ce moment. Ouais. Ça bosse alors. Un peu. Et là, ce qu'on peut annoncer aussi, c'est que vous avez sorti deux EP. Donc il y en a un, c'était Rêve, et l'autre Cauchemar. On va peut-être parler un petit peu, parler en détail même de ces deux EP. Donc chacun contient 5 chansons, c'est ça, hein, si je ne trompe pas. Pourquoi vous avez fait ça en deux parties et pas un album par exemple? En fait, ils ont été effectivement enregistrés en même temps. Ouais. Et mixés quasiment en même temps aussi. Mais en fait, on a trouvé qu'il y avait deux humeurs vraiment différentes il y avait deux catégories de titres. Il y avait des chansons qui avaient la pêche, qui étaient rigolotes, comme Les Chanteuses par exemple, qui étaient un truc assez léger, assez bon enfant, marrant, sans se prendre la tête. Et puis il y a des titres un peu plus noirs, comme Tu vas bien, et on se disait, ça fait un peu comme deux catégories, un rigolo, marrant, qu'on a appelé un peu Rêve, et puis l'autre, Cauchemar, qui était un peu plus dark. Donc voilà, on s'est trouvé un peu dans le choix de dire on va s'en faire deux, tu vois, à la place d'en faire un. Mmh. Et finalement, ça change un peu aussi dans la manière de construire le truc. On a trouvé ça plutôt sympa. Ouais, c'est sympa, ouais. Et le morceau justement qu'on a écouté tout à l'heure, Un shot de toi, ça fait partie du côté dark, du côté cauchemar. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais, ça parle de plein de choses. Ça peut être interprété de différentes manières. C'est un peu allégorique ce texte, et c'est vrai que on l'a mis dans le côté un peu cauchemar par rapport aux paroles. Ouais. D'accord. Et puis justement, on va naviguer un petit peu entre les deux hein, pour varier. Et le titre que je propose d'écouter juste après, bah, c'est le Je sais pas danser. On va dire ça plutôt comme ça. Je sais pas danser. Ça, c'est plutôt du côté rêve. Toi non plus. si, attends, dans ma jeunesse, j'ai gagné un concours de danse une fois. Hein. Bon, je devais être, on devait pas être nombreux à participer. Je sais pas comment j'ai fait, mais effectivement, donc, mais bon, c'est vrai que maintenant, j'ai plutôt plantouflard. J'écoute beaucoup de musique. Je bouge un petit peu des épaules, mais c'est vrai que je danse pas vraiment. Et après, c'est pareil, ça se travaille. Hein. Quelqu'un qui danse pas pendant un certain temps, au bout d'un moment, il perd un peu. Bon, même s'il a un peu le rythme, parce qu'il y a certaines personnes qui ont pas le rythme, il y a pas rien à faire, et d'autres qui ont un peu le rythme, mais bon, s'il le travaille pas régulièrement, au bout d'un moment, ça se perd aussi un petit peu. Donc, bouger un peu les jambes, ça fait toujours plaisir, surtout lors des concerts. Et quand il y a des gens qui dansent à vos concerts, c'est encore mieux. Ah bah c'est, ouais, c'est même si ça, même s'ils dansent mal, même s'ils vont sur la scène danser mal, en tout cas c'est une belle fête. Ouais, ouais. Ouais. En général, c'est vrai que quand on joue cette chanson sur scène, on a toujours un petit rituel. Tu vois, on essaie de savoir qui est-ce qui danse aussi mal que nous, parce que dans le groupe, nous on est très très mauvais au niveau de la danse. Donc on essaie de demander à ce que quelqu'un vienne nous montrer comment il danse sur scène, et c'est vrai que c'est genre un moment c'est rigolo, ouais. Où les gens aiment bien. Et enfin, puis les gens en plus, parce que c'est pas évident de monter sur scène comme ça, on dit voilà, il faut des volontaires, qui c'est qui veut monter sur scène pour montrer qu'il danse mal en plus. Encore ça pour mais et y en a qui dansent bien en plus. Le pire il est là, c'est que il bouge dans le rythme et tout ça, donc c'est toujours agréable. Et ouais, puis on garde vraiment le côté l'esprit bonne humeur. Ouais, c'est ça, voilà. À la limite qu'on sache danser ou pas, on s'en fout. L'important, exactement, c'est qu'on bouge dans les concerts et qu'on mette l'ambiance, et puis c'est tout. Hein. Ok, donc on va écouter tout de suite ce titre qui s'appelle « Je sais pas danser », le groupe La Jarry. Jusqu'à la dernière note, je sais pas danser, le groupe La Jarry, ils sont ici présents dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Puis comme ça fait un petit moment qu'ils n'étaient pas passés dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, ils viennent régulièrement. Hein. Tout se passe bien pour vous? Nickel, toujours. Ouais, bien, vous êtes comme à la maison ici, Radio Arc-en-Ciel. On aime bien venir te voir. Et en plus, je vais quand même l'avouer, vous êtes parmi les groupes que je diffuse le plus dans l'émission Mavrica. Pratiquement à chaque émission, j'aime bien passer un petit... déjà, vous avez plein de bons morceaux que j'ai beaucoup de plaisir à écouter. Il y en a certains même, des fois, qu'on oublie un petit peu, on l'a dans le coin de la tête, et quand vous les ressortez en concert, bah, je reprends les albums, je me dis, tiens, t'as dans quel album il était? Ah, il était dans celui-là, et je réécoute à nouveau. Donc, ça fait toujours plaisir. Et en tout cas, on va parler ce soir des deux EP qui sont sortis. Ils sont sortis quand Rêve et Cauchemar. Ils sont sortis il y a quelques... Bah, Cauchemar est sorti la semaine dernière. Ah ouais, c'est tout récent. Ouais. Ouais. Et Rêve est sorti... En novembre, je crois. Il y a le 28 novembre, je crois. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, en plus, il y en a un qui a une... Alors, le Rêve, c'est bleu. J'aime bien associer les couleurs. Dans l'émission Mavrica, je demande souvent les couleurs. Et le bleu, c'est la couleur des rêves, à la limite. Et le rouge, c'est la couleur des cauchemars. Hein. Voilà, c'est peut-être aussi la guerre, les flammes, les... Je sais pas. Ah bah, ça évoque plein de choses. Hein. Libre de choses. L'imagination de chacun, c'est vrai. D'accord. Le sang. Ouais, aussi. Hein. C'est vrai que... Bon, après, c'est des images comme ça, mais c'est vrai que... involontairement, on pense, on associe quand même les couleurs avec avec des idées, avec des musiques, avec plein de choses avec comme ça. Avec des humeurs, ouais, avec c'est des vrai. Humeurs. Mmh. Voilà. Donc c'était bien de le dire. Alors ces deux EP, on peut les trouver où? Bah, tu peux les trouver déjà sur toutes les plateformes. Ouais. Ce que j'ai fait. Ouais. Donc, voilà. Après, ceux qui veulent la version physique, ils sont en vente sur le site de lajari.com, mmh. dans certains magasins ouais, aussi. Dans quelques magasins, tu vois, ils sont les magasins de disques. Enfin, il y en a de moins en moins, mais donc, voilà. Et puis après, il y a tout le côté au concert. Mmh. Venez nous voir au concert et là ils sont disponibles. Au concert il y a tout ce qu'il faut, il y a les CD, il y a les t-shirts, c'est il y a ça. Tout ça quoi, tout le merch qui est là. Donc si vous voulez des beaux t-shirts de lajari, c'est quand même la classe hein. Quand tu as un t-shirt des fois avec des groupes là on connaît pas, mais quand c'est lajari les gens connaissent hein. Donc c'est quand même la classe d'avoir un t-shirt de lajari. Donc le t-shirt, il y a plein de choses hein, qu'on peut avoir. Les décapsuleurs qu'on a, la boutique qui marche très très bien. Ouais, ça c'est un truc qui est pratique. Surtout chez les rockers, c'est un truc qui sert assez souvent. voilà. On va pas dire pourquoi, mais bon, ça sert à décapsuler, tout simplement. Voilà, donc au concert, justement, c'est l'occasion de trouver vos CD et puis un petit peu de merch, des petits souvenirs, ça c'est toujours agréable. Ouais, et puis surtout, et c'est en fait un peu pour ça, et on aime beaucoup le faire, discuter. On aime bien après le concert aller justement à la boutique du groupe et discuter avec les personnes qui sont là pour parler. De la vie de tous les jours, l'amour, la haine, les envies, les humeurs, le bonheur, parce qu'en fait c'est comme ça aussi qu'on se nourrit des... Ouais, c'est une source d'inspiration ça. Voilà. Ouais, puis ça fait plaisir de voir des gens que tu vois régulièrement dans les villes qui viennent te revoir au concert d'après. On vous a vu l'année dernière à Nancy, là on est encore à Nancy ce soir. Tu vois, c'est aussi ça qu'on aime, c'est avoir un public qui nous... Enfin, assez fidèle, tu vois, c'est ce qui nous fait plaisir aussi. Il y a des personnes que tu vois sur un festival en Normandie qui sont en vacances, et puis qui viennent nous revoir dans une autre ville parce que finalement on est de là, enfin tu vois. Ouais. Donc c'est sympa de pouvoir un peu croiser plein de monde. Puis c'est bien, les gens qui vous ont découvert à un moment ou à un autre en concert, ils ont dit, oh, Lyon, c'était vachement bien. Dès qu'ils repassent, on retourne les voir. Hein. Voilà, il y a aussi ça, hein. Quand ça plaît, on a toujours envie de retrouver les groupes qu'on a aimés. Et à chaque fois, ils discutent un petit peu avec vous. Et en plus, vous avez aussi des messages. Il y a des gens qui se sentent, qui se reconnaissent dans les paroles que vous dites ou des choses comme ça. Donc, Parce que nous, en fait, on fait de la musique de notre vie, hein, de notre métier. Enfin, on fait que ça du matin au soir, même la nuit. Et c'est vrai que discuter avec les gens. On a un groupe très simple en fait. Nous, on vit ce que tout le monde vit tous les jours. Enfin voilà, et on se comprend très très facilement avec tout le monde, quoi. Ouais, c'est bien. Alors j'aime bien. En plus, à chaque fois que je vous vois, il y a toujours des surprises parce que moi, j'ai beau vous avoir vu. Ça fait combien de fois que je vous vois en concert, plus d'une dizaine de fois. À chaque fois, c'est toujours un plaisir. Et à chaque fois, je suis un petit peu. J'ai l'impression que je vais pas être surpris, et à chaque fois je suis surpris, parce qu'à chaque fois vous jouez aussi avec les trucs, par exemple Charité Business avec pour l'Afrique et pour la Belgique, bah non, ça aurait pu être pour le Mexique ou, mais non, vous jouez sur le Mexique. Ouais, le Mexique, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé, mais actuellement, c'est peut-être plus d'actualité aussi, parce que pour l'Amérique, bon, pour le Mexique, le Canada aussi, le Groenland et le Panama. Voilà, il y a des choses comme ça. Et par rapport à l'actualité, les gens se reconnaissent justement sur des choses comme ça. Et il y a aussi, moi j'aime bien aussi quand Benoît s'adresse au public et qu'il leur pose des questions. Est-ce qu'il y a des riches parmi vous, tout ça. Ça c'est un truc. Et à chaque fois, ça me fait sourire. Il n'y en a pas beaucoup qui lèvent la main. Hein. Et il y en a pas beaucoup qui lèvent la main. Alors on est en France. Hein, les gens ils aiment pas parler d'argent. Et c'est peut-être pour ça aussi. Hein. Ça serait aux États-Unis, peut-être toute la salle lèverait la main, même ceux qui sont pas concernés. Je sais pas. Comme ça, c'est culturel. Hein. Non, mais en plus, c'est vrai que nous, quand on va faire des concerts ailleurs, tu sais, on a la chance de pouvoir aller jouer dans d'autres pays. Et sur certains pays, bah, on chante en anglais certaines chansons, dont celle-là. Et c'est vrai qu'on a, selon les pays, la chanson, si le thème reste le même, c'est pas de la traduction, mais on essaie de garder le thème de la chanson. Et c'est vrai que quand tu joues dans certains pays, c'est pas les mêmes humeurs, c'est pas ressenti de la même manière, les réactions du public est un peu différente. Donc c'est plutôt marrant aussi. C'est une chanson, on va résumer rapidement, ça parle sur justement pour sur tous les gens qui tout le business qui est fait autour de ce qui devrait être de la charité, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui donnent, mais il y en a beaucoup qui en profitent aussi quelque part. Hein. Voilà, et c'est pas forcément ceux qui devraient. Voilà. Ouais, c'est le côté. C'est un peu comme ça que je le comprends. Après, est-ce qu'il y a autre chose de... Tu comprends très bien. Ouais. C'est que on a toujours un peu de mal entre ceux qui donnent de l'argent, enfin ceux qui n'en donnent pas, c'est une chose. Ceux qui en donnent pour briller, c'est autre chose. Enfin, tu vois, oui, c'est tout ce sujet-là qu'on a voulu traiter. Ouais. Ouais, il y en a certains, oui, le chèque, il faut bien le monter en grand. Et voilà, il faut que ça passe à la télévision, il faut que tout le monde sache qu'on a donné de l'argent, quoi. Alors et par contre, il y a des gens qui le font aussi très bien, très discrètement. Très discrètement, ouais. On sait même pas. Et puis, il y a des gens qui aident comme ça, des associations justement les associations de charité, tout ça. Donc ça, c'est important aussi. Ben, il faut continuer à le faire. Mais on va pas non plus dire ne faites pas parce qu'il y a des gens qui en profitent. Bien sûr, non, oui. Mais bon, quelque part, oui, il y a où est la limite, c'est pas toujours évident. Très bien. Donc on va continuer à découvrir ces deux EP. Alors le prochain, là on va rester sur la bonne humeur. On a parlé tout à l'heure des chanteuses, donc je propose qu'on écoute ce titre là. Donc les chanteuses, il y en a plusieurs que vous citez, hein. Et sur le clip, il y en a plusieurs qui sont intervenues, hein. Il y a Chantal Goya par exemple. Il y a Dave aussi. C'est pas une chanteuse. C'est lui qui a voulu, hein. Non mais c'est une bonne personne, franchement. Il est cool. Non, en fait, l'idée, en fait, on a fait un clip plutôt marrant sur ce titre, qui est dispo, hein, que vous pouvez aller voir sur le net. Et on voulait inviter quelqu'un, une chanteuse. Alors c'est une chanson qui s'appelle Les Chanteuses, qui parle de différentes chanteuses françaises. Ouais. Et il y a Mylène Farmer entre autres. Voilà. Et on avait idée dans le clip d'inviter quelqu'un qui nous a marqué, un peu représentatif. De la chanson française, mais et bien décalé avec le rock and roll, voilà. Tu vois, et du coup, on a invité Chantal Goya qui est venue jouer dans notre clip. Voilà. Et un jour, on était aussi avec Dave. On discutait avec lui. Il nous a dit, moi, les gars, si vous voulez. Je suis pas une chanteuse, mais je peux le jouer dans votre clip si vous voulez. On a dit super, ce serait cool. Bah, c'est super, moi je trouve que c'est bien comme ça de rencontrer des gens qui sont un peu décalés. Je suis un peu une chanteuse, mais pas tout à fait. Enfin voilà, on a bien rigolé en tout cas. Ouais, bah j'imagine. Bah je propose qu'on l'écoute tout de suite, comme ça les gens qui connaissent pas encore ce morceau-là, pourtant j'ai déjà diffusé, bah ils vont apprécier en tout cas. On va écouter La Jarry avec Les Chanteuses. Qui m'a dit non, je préfère les hippies. Qui m'a dit non, je préfère les hippies. Hey. Hey. Je suis parti voir Nolwenn Leroy. Qui m'a dit non, mais demande à Vanessa. Et j'ai rencontré Carla Bruni. Qui m'a dit non, moi je suis déjà prise. Je suis Ah, je suis content de vous voir. Vous êtes très bien dans les clips, mais il manque quelqu'un. Mais enfin, Dave, il n'est pas dans les clips? Je ne comprends pas. Et moi je lui ai dit alors tant pis. Hey, tant pis. Hey. Les chanteuses c'est pas pour moi. Elles sont trop belles, moi j'y arrive pas. Angèle, Ayana, Kamoura, elles me prennent toutes pour un jaja. Les chanteuses c'est pas pour moi. Moi je fais du rock. Les hippies, les chanteuses préfèrent les hippies. Voilà, donc bah, c'est un truc marrant. C'est vrai qu'on l'a écouté la première fois, je me suis dit tiens, c'est voilà, c'est léger, c'est bien agréable et tout ça. Donc les chanteuses préfèrent les hippies. Est-ce que c'est vrai ça? Je sais pas. Ouais, évidemment. Évidemment. Ah bon, je sais pas. Les rockers, ça leur fait peur. Pourtant, ils aiment bien les bad boys, non? Non, ils préfèrent les hippies. Ok. D'accord. Donc, effectivement, là, on a entendu l'intervention de Dave, hein, qui voulait absolument être dans le clip vidéo. Et il y est. Donc, vous pouvez aller le voir sur, on peut le voir sur YouTube, sur partout, sur Internet. On le retrouve facilement. Donc, le groupe La Jarry avec les chanteuses. On a parlé, donc, cet album, c'est deux EP qui sont sortis avec un petit peu de décalage. Donc, alors ils ont été enregistrés pratiquement en même temps. Ça s'est fait dans quelle période? Oula, on est en 2025, je dirais 2023. Ouais, 2023, c'était enregistré. Ouais, tout à fait. D'accord. Ah ouais, voilà. Ça a eu le temps de mûrir quand même. Ouais, après les mastering, tout ça. Ouais, hein. C'est ça. Et puis, on était surtout sur la tournée d'avant. Et donc, du coup, on a commencé à intégrer les nouveaux titres que là, récemment. Donc, tu vois. Il fallait programmer la sortie et là, comme disait Benoît tout à l'heure, on travaille sur l'album qui viendra après. Ouais. Tu vois, il y aura 12 titres, on en a mis 6 déjà et on est dedans, voilà, à fond. Donc ils sont tous composés ou est-ce qu'il y en a encore à mettre au point? Non, il y a encore des chansons qui sont pas bien, qu'il faut qu'on change. D'accord. Ah, ça c'est toujours l'éternel problème à choisir les morceaux. On en parlait la semaine dernière avec Max Livio qui était là. Il me disait voilà, il y a des morceaux qu'on sort, qu'on aime bien et tout ça. Quelques temps après, on les met dans un tiroir et il y en a qu'on ressort jamais. Et il y en a des fois qu'on ressort quelques années après, mais il y en a qu'on ressort jamais. Moi, j'étais un petit peu étonné parce que moi, je pense que quand il y a quelque chose, on essaie de le garder, on essaie de le remettre en valeur à un autre moment. Mais effectivement, il y en a certains qu'on oublie carrément. Non, mais c'est vrai que quand tu enregistres comme ça un disque, un album, que tu écris une chanson, parfois ça correspond au moment. Mmh. C'est-à-dire à l'humeur que tu as lorsque tu as écrit la chanson, ce que tu avais dans la tête, t'es peut-être un peu plus énervé, enfin. Mmh. Et tu la réécoutes quelques années après où tu te dis ouais bof j'aurais pu mieux faire, enfin ça arrive, voilà. Mm-hmm. Mais bon, elle est déjà sur le disque. Ouais, mais bon, c'est le côté vivant de la musique, hein. C'est-à-dire que la musique, même les morceaux que vous interprétez, je suis sûr que suivant l'endroit où vous êtes, vous les interprétez légèrement différemment. Tout à fait, hein. Ouais. Voilà, ça fait partie de l'humeur, c'est quelque chose qui se sent sur le moment, quoi. Oui, et puis ce qui est intéressant, c'est que comme disait Benoît, selon les endroits, on a mis au point une formule en duo acoustique sur quelques concerts qu'on peut faire aussi avec Benoît dans des centres culturels, dans différents. L'autre jour, on a fait ça en Bretagne à Dinard, où on était tous les deux et on a revisité le répertoire de La Jarry à deux avec du piano. Donc on a amené d'autres instruments, tu vois. Il y avait un piano, un harmonica, on avait une guitare, deux guitares acoustiques. Donc du coup, le fait d'aborder les mêmes chansons mais avec un regard différent, une complicité avec une énergie différente, voilà, complètement. Mmh. Et ça, ça nous enrichit aussi beaucoup nous personnellement dans la manière d'écrire, parce qu'on écrit très souvent les chansons à la sèche, à la guitare ou au piano aussi. Et après, on met ça en musique avec Alex et Arnaud. Ça devient du rock and roll, mais on aime bien aussi revenir à la naissance des titres, d'où cette formule en duo là qui est plutôt intéressante, je pense. Et puis c'est vrai qu'il faut quand même dire qu'aujourd'hui, en 2025, avec les plateformes, avec les Spotify, les Deezer, YouTube Music, enfin je sais pas si j'en oublie, Apple Music, on va tous les nommer. Plein. Ouais. Voilà. Et tu retombes sur des chansons. Tu sais, quand tu as une playlist de l'artiste que tu avais oublié, voilà, tu avais oublié qu'elle était. Ouais, parce que ça, il y a des algorithmes qui calculent les trucs, voilà, et qui nous reproposent des choses qu'on pourrait aimer. Alors avant, quand tu avais un disque, ouais, tu avais une chanson de fond d'album, tu l'entendais plus, et là elle ressort. Ouais. Ouais, tout à fait. Hein. Et après, il y a aussi d'autres choses que j'apprécie moins, c'est que des fois, on va sur ces plateformes-là, on commence à regarder quelque chose, et on se retrouve à écouter autre chose qu'ils nous ont suggéré. Parce qu'il y a des gens qui ont des moyens, qui font beaucoup plus de publicité, qui payent beaucoup plus pour qu'on diffuse leurs morceaux. Donc on se retrouve à écouter des choses qu'on n'a pas vraiment cherchées au départ. Donc bon, après, ouais, c'est pas toi qui vas à la musique, c'est la musique qui vient à toi. Ouais, c'est ça. C'est donc on est un petit peu manipulé quelque part. Bon, après on peut toujours zapper. L'avantage, il est là aussi. Mais ce qui veut dire que bon, moi je vais souvent chercher des artistes locaux pour chercher justement pour découvrir des artistes et tout ça. Et des fois, je me retrouve à écouter des artistes qui sont beaucoup plus connus et que je cherchais pas forcément. Mais bon, mais souvent c'est quand même bien fait, hein. C'est-à-dire que quand on cherche un artiste, des fois on a des morceaux d'anciens albums qui ressortent et souvent aussi c'est bien fait aussi parce qu'ils arrivent à voir un peu le style de musique qu'on aime. Ils nous proposent aussi d'autres groupes qui ont à peu près le même style, donc ça nous permet de découvrir d'autres choses. Voilà, c'est comme ça. Non, mais c'est vrai que c'est, et en l'occurrence, alors ce qui est marrant, enfin, je parle pour nous, la Jarry, on a toujours un. Enfin, depuis le début du groupe, on a toujours eu une espèce de règle entre nous, c'est d'essayer de jamais refaire le même disque au niveau du son. C'est-à-dire que, bah, comme on est les quatre mêmes, la manière dont tu joues, la manière dont tu écris, ça peut aussi vite tourner en rond, comme n'importe qui. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, à chaque album, on essaie d'aller dans des studios différents, travailler avec des réalisateurs différents, enfin, pour essayer d'avoir justement cette différence de son, pour que d'un album à l'autre, ce soit pas la même chose. Mmh. Voilà. Effectivement, suivant l'endroit où vous allez, vous utilisez pas le même matériel, vous avez pas le même ingénieur de son, vous avez pas les mêmes personnes qui font les mastering, donc il y a une couleur différente. Et puis il y a des studios qui sont réputés pour travailler plus le métal, d'autres plus le punk. Tout à fait. Donc ils ont leur petite couleur déjà. Hein. Et il y en a certains qui font tout. Ah, mais il y en a d'autres qui sont spécialisés. Et donc chaque personne qui intervient sur cet album-là amène sa petite patte et ça fait des petites différences aussi. Tout à fait. Bon, je comprends très bien. Donc le dernier album, les deux derniers EP, ils ont été enregistrés où ? Écoute, on a fait beaucoup de travail à Bruxelles. Mmh. Il y a eu pas mal de prises qui ont été faites chez nous, à la maison, si tu veux, mea culpa, Orléans. Mmh. La plupart des choses se sont faites à Bruxelles avec Lionel Capouillès, qui a un super studio là-bas, il s'appelle le R Studio, dans lequel, en gros, c'est le réalisateur de Stromae et le côté urbain de la musique. Mmh. Qui a voulu tenter aussi de son côté une nouvelle expérience de mixer du rock'n'roll, ce qui lui arrive pas forcément tous les jours, et même de réaliser un peu des choses avec nous. Et donc du coup, on a trouvé ça plutôt intéressant que la rencontre de ces deux mondes, tu vois, le monde rock français et le monde un peu urbain qui amène Stromae, et il a travaillé avec Boulevard Désert aussi pas mal, etc. Toute cette firme là, Big Flo et Oli, voilà. Ouais. Et donc du coup, on a pas mal mélangé nos styles et ça a amené Rêve et Cauchemar. Mais c'est vrai que c'était intéressant parce que il nous a proposé des trucs auxquels on s'attendait pas du tout. Nous, on lui amenait des guitares, des choses comme ça. Il a pas forcément l'habitude d'en faire. Donc ah voilà, ouais, j'imagine. Ouais. Donc c'était vraiment une belle rencontre en tout cas et un vrai plaisir. Enrichissant quand c'est comme ça. Ouais. Ouais, un vrai plaisir de travailler. Ouais. Parce que effectivement, si vous allez dans des studios où on enregistre que du rock'n'roll, et ben il y a toujours la même manière de travailler, plus ou moins. Et là, finalement, vous avez découvert quelque chose de différent. Donc et c'est vrai que tu vois vraiment la différence d'un réalisateur à l'autre. Ah ouais. En termes de son, en termes d'aborder les choses. J'en parlais justement aujourd'hui avec David, puisqu'on est en studio là, on travaille sur des chansons. Et on a fait mixer un titre rock sur Cauchemar qui s'appelle Ensemble, donc par Lionel à Bruxelles dans les studios de Stromae. Et on avait fait un titre un peu équivalent, il s'appelle Babylone sur un album d'avant. Ouais. Et là, on avait travaillé avec David Botril, qui est un réalisateur. Lui, il fait, il travaille avec des gros groupes américains comme Smashing Pumpkins, Tool, etc. Et tu vois vraiment la manière différente d'aborder le mixage. Et c'est vrai que c'est pour Rêve et Cauchemar, en tout cas, on a été très content de faire ça avec Lionel. Il nous a vraiment amené ce côté un peu différent qu'on cherchait pour ce disque. C'est très disque. Bien. Est-ce que vous êtes têtu? je vois ce que tu veux dire. Vous savez où je veux en venir. Effectivement, dans le dernier album, il y a un morceau qui parle un peu de ça. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? Ça s'appelle La Mule, c'est ça? Moi, c'est un titre punk hein, au départ. Ouais. Titre punk très simple qui est joué sur scène et puis qui finit sur un disque à un moment parce que faut combien qu'on le mette sur un disque, voilà. D'accord. Bah, on l'écoute et puis on en parle un peu. Si vous avez d'autres choses à rajouter, on peut le faire juste après. Il n'y a pas de souci. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika et ce soir dans l'émission Mavrika numéro 630. Voilà un chiffre tourant. J'aime bien les chiffres tourants. En plus, moi, mon chiffre préféré c'est le 3, donc 630. C'est bon, c'est un multiple de 3. Donc 630 et avec le groupe La Jarry dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Têtu comme une mule, persévérant contre les vents, avec mes faux airs incrédules, je suis têtu comme une mule. Alors jamais je ne recule, je suis têtu comme une mule, je suis tenace, je suis pugnace, alors jamais je ne capitule. Têtu, oui, têtu aussi, je résiste, je persiste, et j'adore quand tu me stimules. Têtu comme une mule, et toi es-tu têtu, têtu comme une mule? Je suis têtu, têtu comme une mule, et toi es-tu têtu, têtu comme une mule? On m'assassine, on me piétine, on m'assassine, ouais. Dans la poussière, mortifère, comme un soleil, tu me brûles. Come on, Sans mettre des vitres sans fin, c'est la crise du boulot. Mais je rêve de toi et moi. On pourrait se faire la belle. On pourrait se faire la belle. On pourrait partir ensemble, très loin, sans rien dire à personne. On pourrait se faire la belle. On pourrait se faire la belle. On pourrait partir ensemble. Voilà, on vient d'écouter deux morceaux à la suite, deux morceaux du groupe La Jarry. On a écouté La Mule et à l'instant Ensemble, on en avait parlé tout à l'heure. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ces deux titres-là? Parce qu'on en avait parlé un petit peu comme ça, mais alors ça, c'est des morceaux qui sont tout récents, hein. C'est des morceaux qui sont sortis il y a un mois, quoi, tout juste, hein. C'est ça à peu près. Hein. Ouais, surtout ouais. La semaine dernière même. La semaine dernière, voilà. Un mois. Oui, c'est vrai que ça fait la semaine dernière. C'est même moi, je les ai pas encore dans la tête. Hein, cela, pas tout à fait. Ensemble, voilà, c'est, je le redécouvre parce que j'ai écouté deux ou trois fois, pas plus que ça. Quelque chose à rajouter? Bon, bah, c'est deux titres qui font partie de Cauchemar, qui ont été composés avec l'énergie du groupe, ceux-là, tu vois. Voilà, dans la salle de répète, guitare, avec un son, une manière assez alternative, la voix un peu en disto, tu vois, on essaye de beaucoup d'énergie, c'était vraiment La Mule et Ensemble font partie du même moule, vraiment. Mmh. Donc tu vois, bonne idée d'avoir enchaîné d'ailleurs, parce que c'est bien rock'n'roll, voilà. En tout cas. Ça nous donne les idées pour les concerts, c'est bien. Oui, merci de cet enchaînement. Parce que en plus, dans les concerts, des morceaux comme ça, ça nous donne envie de bouger. C'est voilà, le je sais pas combien il y a de BPM, ça monte, hein, mais là il y a la puissance et tout ça. Et en plus il y a cette basse et tout ça qui revient. Moi j'aime bien ce côté-là, rock'n'roll vraiment. Et en plus, vous pouvez broder pendant un certain temps là-dessus. Hein. Ouais, comme je vous connais, quand il y a Arnaud et Alex qui se mettent à faire une boucle, et puis là-dessus, vous brodez, vous parlez au public. Voilà, c'est toujours un plaisir d'aller vous voir en concert. Donc, je vous conseille, si vous avez l'occasion d'aller voir La Jarry en concert, il faut surtout pas le louper, parce que franchement, ça va vous plaire. Vous aurez envie d'y retourner. Il n'y a pas de souci. Très bien. Alors, vous avez sorti ces deux EP, donc ces derniers mois. Donc, Cauchemar, c'était la semaine dernière. Donc, c'est tout récent. On peut les trouver aussi. J'ai vu qu'on peut les avoir aussi sur YouTube, etc. Donc, oui. Les écouter facilement, les retrouver. C'est l'avantage du 21e siècle, c'est qu'aujourd'hui, on découvre une chanson de la radio et on peut l'avoir aussitôt dans son smartphone et puis l'écouter aussitôt. Quoi. Voilà, c'est un gros avantage. Et après, il faut pas oublier non plus que c'est bien d'écouter à la radio, c'est bien d'écouter en disque. C'est bien d'écouter sur son smartphone, mais il faut aller aussi au concert. Là, c'est une autre dimension. Il y a vraiment les gens qui sont là. Il y a vraiment le public. Il y a vraiment une autre ambiance. Et c'est encore une dimension au-dessus. Voilà. C'est dur les écoutes sur les smartphones. Hein. Quand tu l'autre jour, je mettais un truc sur mon téléphone. Il y a pas de basse. J'entendais pas le pied. Il y a des bonnes choses aussi. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'amplificateurs, etc., qui ont un truc Bluetooth. Donc, avec le smartphone, on a tout dans notre smartphone, mais on peut le connecter sur quand même des vraies enceintes. Bien sûr. Et on a un son qui est un peu meilleur quand même. Heureusement qu'il y a ça, parce que sinon, écoutez, moi sur un téléphone, je peux pas. Je suis désolé. Il y en a qui le font, mais moi, je peux pas. Il manque quelque chose. On n'entend plus Arnaud. C'est un peu ça. Ouais. Ça sert à rien. On dit que les bassistes ils servent pas à grand chose, mais alors là, bassiste en voie de disparition. Non, c'est vrai qu'on n'entend pas les graves. Il y a pas de graves, mais c'est normal. Mais si vous voulez des graves, il faut avoir des gros haut-parleurs. Il y a pas le choix. C'est les contrebasses qui font des trucs graves. C'est pas les violons alto. C'est bien. C'est que quand tu vas au concert, il y a quand même tout un rituel, un moment de fête. La puissance sonore aussi, ça fait du bien de prendre du son un petit peu, c'est dans les oreilles, mais même dans le corps, ça te fait vibrer. Enfin, je sais que les concerts, c'est un peu comme le théâtre et le cinéma, c'est que tu regardes un film dans ton salon ou alors tu vas voir au théâtre, t'as pas du tout les mêmes sensations. Et c'est vrai que quand tu vas voir un groupe en concert, en général, tu ressors un peu différent. Et puis il y a le contact, il y a l'échange aussi avec le public. Hein. Les réactions des artistes sur scène sont pas les mêmes, le public c'est pas les mêmes non plus. Donc il y a cette communion entre les deux qui fait que d'un concert à l'autre, c'est différent. Donc c'est toujours agréable. Il peut tout se passer. Il peut tout se passer. Parce que j'imagine vous avez répété. Alors moi je sais pas comment ça se passe, mais j'imagine parce que moi je suis pas musicien, j'ai jamais fait un concert, j'ai jamais préparé quoi que ce soit. Mais il y a un déroulement qui est prévu, il y a une playlist. Et puis au dernier moment, tout peut basculer, tout peut changer. Il peut y avoir un truc qui dépeint, des choses comme ça. Après, on a un peu tous les artistes, on a nos méthodes entre guillemets. Il y a des groupes qui vont se dire ce soir on joue telle chanson, telle chanson, telle chanson. Et il y a aussi des groupes, nous on en fait partie, où. Selon l'ambiance pendant le concert, on peut changer de chanson, on se retourne et on dit tiens, on va jouer celle-là maintenant. Enfin voilà, c'est il y a cette complicité que vous avez, parce qu'il y en a certains qui peuvent pas se permettre de faire ça. Oui, c'est ça en fait, c'est que nous le fait d'être un groupe, d'être un vrai groupe, ça nous permet de se connaître tellement en fait, tu vois, depuis toutes ces années. On sait exactement, tu fermes les yeux, ça joue tout seul, tu vois, donc tu sais très bien si on décide de jouer celui-là à la place de celui-là, ça va pas changer grand-chose finalement. Voilà, c'est ça la complicité, c'est ça le vrai rock'n'roll. C'est tu vas sur scène, tu sais pas si l'ampli va marcher. Ouais, puis le côté groupe aussi, c'est ça aussi le côté groupe, malheureusement qui se perd un peu depuis quelques années. C'est que nous on fait de la musique, comme disait David, on se connaît bien, on connaît la réaction de chacun. Enfin voilà, Tu vas avoir un des quatre qui va être moins bien ce soir, et bien on sait, donc du coup vous le ressentez et vous le compensez. Et exactement, essaye de faire en sorte que ça aille bien pour lui ou pour nous. Ça dépend des on est équipe de quatre, on se connaît par cœur, c'est simple. Et c'est la belle vie. C'est vrai que les gens n'imaginent pas, mais moi, vous êtes là pour donner du bonheur aux gens. Et il y a des fois dans votre vie, vous aussi, vous êtes des êtres humains. Tout n'est pas rose, donc des fois il y a aussi des coups durs, il y a des choses qui se passent, et des fois vous n'êtes pas en forme, vous avez vous montez sur scène, je suis sûr qu'une fois monté sur scène, bon, ça, vous faites un peu abstraction de votre vie et vous êtes dans ce que vous faites, mais on comprend que des fois donner du bonheur aux gens alors qu'on ne l'a pas forcément, c'est pas toujours évident, hein. Et le métier, c'est qu'il y en a qui font des trucs super et on ne sait pas ce qui est arrivé dans leur vie, et pourtant voilà, c'est une parenthèse finalement, et c'est pas toujours T'as des choses de la vie qui se passent, ouais. J'ai en tête, tu vois, un souvenir. On était au Québec avec le décalage horaire, tu vois, il y a 6 heures avant nous. Et on faisait un concert le 14 juillet. Ouais. Du coup, c'était une petite soirée francophone. Ils sont très à fond avec le côté francophone au Canada. Et donc, du coup, on joue. Et au milieu du concert, tu vois, on descend de scène avant le rappel, etc. Qu'est-ce qu'on apprend ? On nous apprend l'attentat de Nice. Ah ouais, tu vois. Et il restait encore 2-3 titres à faire. Et ben voilà, écoute, faut les faire. Et puis faut garder le sourire. Et puis à la fin, on a expliqué aux gens ce qui s'était passé. Voilà. Et donc du coup, ça fait partie du métier où il peut se passer plein de choses à n'importe quel moment. Et puis il y a un truc aussi qu'il faut dire, c'est que quand tu montes sur scène, tu es toi-même sans être toi-même, en fait. C'est un rôle un peu que vous jouez. C'est soit un rôle, soit ta personnalité qui change un peu comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Enfin, j'imagine. C'est une relation différente avec les gens. Le côté spectacle, je pense que c'est pareil aussi pour les acteurs qui font du théâtre ou même du cinéma. Ça peut te multiplier, te décupler, enfin tes humeurs, tes chagrins, tes peines, mais aussi la scène, on a quand même une casquette un peu différente. Moi, je pensais tout à l'heure, effectivement, on a vécu un peu la même chose ici. On était un vendredi soir. Je peux plus te dire quelle date, mais je sais que c'était un vendredi soir. On était dans l'émission et j'avais des invités. Il y avait David McLean qui était là. Et on avait appris les attentats, justement, du Bataclan et tout ça, en direct. Nous, on était en train de faire l'émission, il y avait une bonne ambiance et tout ça. Et ça nous a coupé, on a fini l'émission. Ça plombe, bien sûr. Ouais, ça plombe, mais on a continué l'émission. On a dit, mais on est dans quel monde? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est vrai que ça a touché beaucoup de personnes, hein. Il y a comme ça des événements qu'on s'en souviendra toute notre vie. On sait ce qu'on faisait au moment où ça s'est passé. Et c'est vrai que bon, quelque part, on est sensible aussi à ça. On est des êtres humains, donc. Mais après, il faut continuer à faire quand même le spectacle, surtout vous qui êtes sur scène. Donc, c'est quelque chose qui, en tout cas, je vous tire mon chapeau. Comme disait Freddy, show must go on. Show must go on, voilà. Vous avez sorti les deux EP là, mais entre temps, vous avez aussi sorti un petit morceau sur l'équipe de football préférée, je pense. Je sais pas. L'US Orléans. Ça c'est énorme. De cœur, hein. Bien sûr. Ouais, parce que je l'ai écouté. Alors, vous êtes amateur de football, vous? Vous avez ça? Nous, la Jarry, on est très très foot. Ah ouais, j'ai cru comprendre. Voilà. Donc, une équipe que vous soutenez, c'est l'USO. Bah, c'est l'USO forcément, parce que nous, on a un groupe d'Orléans. Ouais. Donc, c'est notre ville de cœur qu'on adore. Et gamin, on était du moins club. On était là quand ils étaient en finale de Coupe de France, quand ils ont sorti le PSG pendant les années 80 en demi-finale, tu vois. Voilà, on a toujours fait partie un peu de la vie du club, de près ou de loin. Quand on avait été gagné 4-0 au Parc des Princes, ouais, c'est vrai qu'il y a des trucs comme ça, quand on y repense, c'est vrai que ça m'était sorti de la tête, mais effectivement, il y a eu quand même des grandes heures de gloire pour ce club-là. Hein. Et en plus, c'est le club d'Orléans, donc... On est tous un petit peu chauvin. Moi, je trouve que c'est bien aussi. Voilà, on peut chambrer les uns les autres. Mais le foot, on est là pour encourager son équipe. Mais après, il faut pas non plus que ça devienne... Parce que des fois, il y a des débordements qui se passent. Hein. Il y a des gens qui se battent contre les autres parce qu'ils sont pas de la même équipe. C'est complètement stupide. Voilà, on est là pour encourager Ça, c'est ce qu'on appelle des bétos. C'est dur. Voilà. Après, si le jeu est bien fait sur le terrain, tout s'est bien passé, ils ont donné ce qu'ils avaient, ils ont perdu. Bon, ils ont perdu. Faut être fair play, quoi. C'est le vrai sport, c'est ça, quoi. Et donc, on est fiers quand ils gagnent et tout ça. Quand ils perdent, bon, on est un peu moins fiers. Mais bon, quelque part, c'est notre club et puis on continue de l'encourager, quoi. Voilà, c'est comme ça que... Et en plus, vous parlez du stade de la Source, donc des choses que je connais, voilà. Cette chanson, alors, on l'a... On l'a pas faite par hasard, en fait, puisque c'est le club de l'USO qui est venu nous chercher. Ah d'accord, carrément. Ouais, c'est le club qui est venu nous chercher. En fait, il voulait qu'on écrive un hymne pour l'équipe. Et donc, ils nous ont demandé de réfléchir à un morceau qui pourrait accompagner les joueurs à l'entrée des stades, qui pourrait être un peu le... Pendant les buts aussi. Le symbole du club au niveau de l'équipe. Et donc, on a proposé cette chanson. En plus, c'est une nouvelle équipe qui prenait l'USO, une nouvelle équipe dirigeante, avec un président qui s'appelle Cyril Courtin, qui a repris le club en main. Ils ont voulu insuffler une réelle dynamique positive. Qui est un Orléanais, donc ça jouait vraiment entre Orléanais, entre l'équipe de foot, le président, et nous, voilà, qui sommes un groupe d'Orléans. Donc ça restait vraiment quelque chose de local dans l'esprit du truc. Et positif, ouais. et pour aller de l'avant, et pour que l'équipe gagne. Enfin, que du bon, en fait. Voilà. Et c'est pour ça que quand on nous a proposé ce projet, on a écrit cette chanson, on a été très très contents et très très fiers aussi qu'ils fassent appel à nous pour aller l'USO. Donc là, les supporters, ça leur est rentré dans la tête, et puis ils reprennent les couplets, les refrains, non? Bah écoute, ça commence. En tout cas, on a de très bons retours. De cette chanson, on va passer des trucs sympas. Et il y avait même un article sur la République du Centre où il disait que depuis qu'ils ont cette hymne-là, ils avaient plus perdu. Est-ce que c'est toujours maintenu? Ouais, c'est l'équipe, c'est le journal L'Équipe qui a fait un... Ah, c'était l'équipe, c'était la République. C'est drôle de se retrouver dans l'équipe. C'était marrant. Ouais, rock and folk ou des trucs comme ça, oui, mais l'équipe... Alors, si tu veux une anecdote, parce que c'est un peu l'émission des anecdotes, j'ai trouvé ça très rigolo, tu sais... La première fois qu'ils ont joué le titre au stade de la Source pour la première journée de championnat, c'était au mois de septembre. Oui, c'est ça, je crois, au mois de septembre. Eh bien, dans le texte de la Jarry, on dit oui, on va enflammer le stade de la Source, etc. C'est dans le titre. Et au moment où ils jouent le titre sur une radio concurrente d'Arc-en-Ciel, on peut les citer peut-être ou pas. Bon, peu importe. C'est pas de souci. On n'est pas en concurrence. Ouais. Donc, on est content que vous passiez dans d'autres radios et que vous passiez aussi chez nous. Hein, voilà. Bon, c'était sur France Bleu Orléans, tu vois, et ils ont démarré le titre à l'habitant, et au moment où ils jouent le titre, ça s'enflamme au stade de la Source et ça a fait brûler la buvette. Ils ont été obligés d'arrêter le match. Donc vous n'avez pas changé les paroles depuis quand même. Alors, on a gardé les mêmes paroles. Vous gardez les mêmes paroles. Mais c'était assez drôle. Ouais, des fois il y a des trucs comme ça. C'était pas prévu, mais ça tombait pile poil au moment. Bon. Donc arrêt du match, report. Enfin, je suis en train de dire. Le stade a été enflammé. Et c'était la buvette qui a pris feu. Ben dis donc, l'alcool il devait être fort là-dedans. Alors j'imagine. En tout cas pour finir sur cette chanson, c'est vrai qu'on a été vraiment très très... Ça a été un projet plutôt sympa. Très bien. Bon, on va écouter ce morceau-là. Hein. À l'anglaise, en fait. Comme ça se fait beaucoup en Angleterre, d'ailleurs, où les clubs font appel à des groupes. Bah ouais, moi, je trouve que c'est super bien. Ça devrait être obligatoire, même. Bon esprit. Chaque équipe devrait avoir un hymne fait par un groupe de rock, moi, je trouve. C'est beaucoup... Enfin, ça se fait beaucoup en Angleterre. Et l'USO l'a fait, donc allez les jaunes et rouges. Allez les jaunes et rouges, allez l'US Orléans, le groupe La Jarry. Je me prends un carton rouge, mais c'est pas moi, j'ai rien fait. Je cherche le pénalty, je suis le renard des surfaces. J'entends les supporters, c'est l'ambiance des grands soirs. Allez, les jaunes, allez, l'USO. Allez, l'USO. donnez-moi plus d'argent. Tout ça pour le beau jeu. Ouais, tout ça pour le beau jeu. Allez, les jaunes, allez, l'UNESCO. Merci d'écouter Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika tous les vendredis de 19h à 22h. Nous sommes ensemble pour 3 heures de musique et nous aimons bien. Je dis tout à l'envers, c'est bizarre. Ça me fait tout à l'heure, c'est pareil, je sais pas si vous avez repéré dans l'émission juste avant moi avec Manuel, il avait dit un truc à l'envers aussi et mais tout le monde a compris. Bon, l'important c'est qu'on se comprenne même si des fois on bafouille un petit peu, c'est comme ça dans l'émission Mavrika et c'est comme ça dans la vie de tout le monde, voilà. Donc ce soir nous recevons le groupe Lajari, ils sont là dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On écoute beaucoup de bonne musique. Moi ça, je me fais plaisir parce que c'est un de mes groupes préférés, vous le savez aussi. Donc on vient d'écouter Allez l'US Orléans et juste après un titre que j'aime beaucoup, Où sont passés mes rêves. Donc ça c'est un truc qui me touche beaucoup parce que moi aussi j'avais énormément de rêves et on se disait c'est pour demain, on va le faire, et finalement on évolue, et c'est vrai que j'ai vécu aussi des années où chaque année était meilleure que la précédente, jusqu'à un point où j'ai l'impression que c'est un petit peu l'inverse. Alors on s'est dit donc il y a eu les 30 glorieuses, et puis depuis ben on est en train de se demander si on va vraiment dans le bon sens. On évolue, hein, on avance, hein, mais est-ce que c'est dans le bon sens? C'est comme ça que j'ai compris un peu c'est un grand débat. Non, c'est comme ça que je le comprends, et c'est comme ça que je me suis accaparé cette chanson-là aussi, parce que j'aime bien les paroles, j'aime bien la musique. Alors moi j'aime bien le rock'n'roll, on a écouté des morceaux où vraiment ça envoie comme il faut, avec la guitare, la basse, la batterie, etc. Et il y a aussi la mélodie. Chez La Jarry, il y a des belles mélodies, des belles paroles, et ça c'est bien agréable en tout cas. Voilà. En tout cas, félicitations pour vos morceaux, c'est toujours un plaisir de les écouter. Merci à toi. Alors, où sont passés mes rêves? Alors, vous voulez nous en parler un petit peu de ah bah ce morceau-là? C'est une des chansons directrice de la couleur de l'album Rêve, évidemment. Où sont passés mes rêves? C'est un texte qui a été très important pour nous en termes d'écriture, puisque comme on en parlait tout à l'heure, on se nourrit beaucoup de témoignages et de gens qui viennent nous voir au concert et au merch après. Et c'est vrai que c'est un peu grâce à eux qu'on a construit ça, parce que chacun a des rêves, comme tu le sais, comme tu l'as très bien dit. Ouais, moi j'en avais aussi. Hein. Moi je voulais être milliardaire quand j'étais enfant, et ça s'est pas passé. Non mais c'est vrai que cette chanson, c'est aussi sur le temps qui passe. Oui aussi, ouais. Je crois qu'en évoluant, on comprend qu'il y a des rêves que on les a rêvés, on y a cru, et après on se dit bon, finalement, voilà, ça restera des rêves, mais bon. Mais qui les a volés avant que la nuit s'achève, je dois les retrouver, ça veut dire que la porte reste ouverte. C'est jamais perdu. Hein, voilà. C'est jamais perdu. Ouais, on ferme les yeux et puis on le vit quand même, hein, on le vit dans notre tête, et puis ouais. Non mais c'est vrai que le temps qui passe, c'est un sujet ça revient souvent, hein. Qu'il faut aborder, puisque on est tous un peu pris dans nos journées, dans notre quotidien, aller à fond, etc. Et pendant ce temps-là, le temps passe, et tu oublies de faire certaines choses, et il y a des choses que tu te dis, putain, si j'avais su, j'aurais dû. Enfin voilà, c'est aussi sur ce thème, on a tous des petits regrets qui arrivent de temps en temps, voilà. Je crois que c'est beau. Tout le monde, hein. En même temps, on peut se dire, voilà, je suis pas le seul, hein. Je crois que tout le monde a eu des petits rêves, des choses qu'ils ont pas réalisées. Et à côté de ça, il faut regarder aussi le côté positif, hein. Il y a plein de choses qu'on a fait, et on se dit, finalement, on trouve que c'est normal. Mais on aurait très bien pu les louper aussi, hein. Oui, on a encore le temps de le faire. D'ailleurs. On a encore le temps de le faire aussi. Il y a encore des choses qu'on... Tout est encore possible. Ouais, évidemment, voilà. Évidemment. Et c'est une chanson. On a passé beaucoup de temps à écrire et on a fait plein de versions de cette chanson. Là, on a choisi celle-là sur le P. Mmh. Une version très rock'n'roll, alternative encore une fois, mais il existe d'autres versions qu'on a et je pense qui vont sortir à un moment donné, qui sont complètement à contre-pied de cette version-là, et le choix a été difficile. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer pour la suite pour cette chanson. Tu tiens, où sont passés nos rêves? À contre-pied, c'est-à-dire plus rythmé ou au contraire plus tranquille? Il y a différentes versions. Donc il y a un côté émotion, un peu mélancolique qui ressort justement grâce au texte de ce titre-là. Soit on le prend du côté un peu positif, comme tu dis, où on va de l'avant, côté qui est un peu sur la bande, tu vois, le côté rock. Et t'as aussi, quand tu la joues d'une certaine manière, quand tu peux la jouer au piano ou à la guitare sèche, enfin, il y a une émotion qui passe dans cette chanson et qu'on pourrait peut-être un jour exploiter aussi. Voilà. Mmh, d'accord. Et c'est vrai que vous nous parlez du piano depuis tout à l'heure, donc c'est toi, Benoît, qui joue du piano? Moi, je suis pianiste à la base. Voilà. Et puis, j'ai eu la chance d'être déjà passé dans le studio, mais à coup de pas. Effectivement, il y a un piano. Et par contre, sur scène, je t'ai jamais vu avec un piano. Non, c'est vrai que ça fait très longtemps. On l'utilisait au début du groupe. Mm-hmm. quand fallait qu'on paradoxalement fallait qu'on sorte tous nos instruments du camion, etc. Là on avait plein de trucs, plein d'amplis, des pianos, etc. Les pianos, c'est lourd, hein. Voilà, et c'est vrai qu'on maintenant où on a des conditions de concert un peu plus confortables, on va dire, on est vraiment focalisé sur les guitares, voilà. Mais un jour viendra où il va revenir. Je pense. Oui, ouais, après, il est pas loin là. On sent qu'il s'approche en ce moment. Il est pas très... il rôde autour de la scène. Non, c'est vrai que le piano c'est un bel instrument et c'est aussi ça peut être rock'n'roll aussi, hein, parce que des fois on oublie, on dit voilà c'est toujours basse, guitare, batterie, plus le chant. Mais il y a des groupes qui ont, il y a le groupe Keen qui avait fait du rock avec du piano. Jerry Lee Lewis. Ouais, Jerry Lee Lewis. Ah oui, bah oui, lui, il jouait avec les pieds, il jouait avec, avec tout. Lui. Voilà, il... non, c'est vrai que, non, c'est vrai que c'est, ça peut être très rock'n'roll. Hein. C'est un très bel instrument. En plus, bon, nous, on s'en sert aussi pour écrire des chansons. Hein. En tout cas, c'est un instrument qui procure d'autres sensations, d'autres émotions. Et c'est important de, parfois de s'en servir. Donc la prochaine fois, vous amenez le piano à queue, hein, le grand piano pourquoi ici pas, dans les studios. Non, mais après, il y a aujourd'hui, heureusement, il y a des claviers quand même qui nous permettent de. Bon, c'est peut-être pas le même ressenti, je sais pas, mais je suppose, hein, c'est pas pareil. Après, c'est... J'ai une histoire de son aussi. Une histoire de son. Ouais. Chaque piano. À sa personnalité. Ouais, bah ouais. Voilà. Moi j'ai été surpris parce que je le savais pas du tout. Alors un piano à queue par exemple, les cordes sont beaucoup plus longues qu'un piano droit, on s'en doute un petit peu, pour avoir le son grave. Et pour avoir le son grave, les cordes sont enrobées, les cordes de grave sont enrobées de fils de cuivre. Je ne savais pas pourquoi. Parce que s'il n'y avait pas le fil de cuivre, par contre, le fil de cuivre fait que les cordes durent moins longtemps. Il faut les changer plus souvent. Mais par contre, ça permet à des cordes plus courtes d'avoir un son plus grave. Et que si jamais il n'y avait pas ce fil de cuivre autour de l'acier, il faudrait 18 mètres de longueur pour avoir le même son. Je ne savais pas du tout ça. J'ai jamais imaginé ça. Et donc, il y a une personne qui a eu l'idée de faire un piano sans les fils de cuivre. Et donc, il avait 18 mètres de longueur pour avoir le même son. Et c'est sûr que le son devait être beaucoup plus beau, puisqu'il est tout à fait naturel. Il n'est pas trafiqué par justement ce fil de cuivre qui est finalement une parade à un défaut. En fait, voilà, c'est marrant. Je savais pas du tout ça. On n'imagine même pas ce genre de truc-là. Ouais, et puis c'est là que quand tu racontes ce genre d'anecdote, c'est là que tu vois que l'homme est quand même très très intelligent. Enfin, ouais. On arrive à faire de belles choses quand même. Donc, faut pas non plus voir tout mal parce avec que, de petits doigts. Ah bah oui, c'est vrai qu'on c'est il y a toujours le mec qui a inventé le piano, ouais. Enfin, le savoir-faire, etc. On a l'homme a quand même beaucoup de qualités. Voilà. Il faut voir. Et la femme aussi. C'est ce que j'allais dire. Oui, hein, oui. Quand on dit l'homme, voilà, c'est général, mais c'est l'homme et la femme, bien entendu. Il n'y a pas aucun souci à ce niveau-là. Voilà. Donc. Non, mais précisons-le, puisque. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai. Tu vois, quand je disais ça, moi, je réfléchis pas de cette manière-là, et c'est vrai que on est vraiment sur des talents, quand tu vas voir des artistes, il y a quand même des gens qui ont beaucoup de talent. Ouais, on a cette chance-là aujourd'hui. C'est quand même bon. Il y a toute une histoire. Il y a plein de. On a parlé de Jerry Lee Lewis, de plein d'artistes qu'on a connus, voilà. Et aujourd'hui, il y a quand même des nouveaux artistes qui sont super aussi. Donc, il faut pas tout voir en noir en disant voilà, avant c'était mieux et aujourd'hui c'est pire. Il y a des choses qui étaient mieux avant. Il y a des choses qui sont mieux aujourd'hui. Heureusement, parce que si on devait revenir au téléphone comme à l'époque et puis aujourd'hui on va sur Internet, on a tout ce qu'on veut aussitôt. Avant on n'avait pas tout ça. C'est peut-être un avantage, c'est peut-être un inconvénient, je ne sais pas. Mais les temps changent, on va les dire. Les temps changent, voilà. Et nous, on s'adapte. On fait avec, on ferait sans. On ferait sans. À la limite, ça serait pas inventé parce que nous, on n'invente pas tout. Hein. Il y a plein de choses qu'on subit aussi. Et quand c'est le progrès, ben on est content. Quand des fois c'est des choses qui vont pas dans le bon sens, ben on subit un petit peu. On se dit ouais, on le préférait avant, mais bon, on est obligé de s'adapter. Et puis les jeunes, de toute façon, comme ils sont connus que ça, bon bah pour eux, c'est la vie normale. c'est comme ça. Très bien, donc « Où sont passés mes rêves ?» Donc un titre de La Jarry qui est tiré de l'EP « Rêve ». Très bien. On a encore pas mal de morceaux à écouter. Et puis, le temps passe très vite avec la Jarry dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'est vrai que c'est dingue. Il y a des émissions qui passent à une vitesse pas possible. On a encore plein de choses à découvrir. Je propose qu'on écoute le titre suivant que j'ai calé, qui est toujours dans les rêves. C'est Darling. Voilà, vous voulez en parler un petit peu? My Darling. My Darling. Ouais. Non, on l'écoute? Écoutons-le. On l'écoute, on fait comme ça. Soyons fous. On l'écoute d'abord et puis on en parle ensuite. C'est parti. Voilà, deux morceaux à la suite. Et puis je me suis fait plaisir parce que c'est une de mes chansons préférées. Le rêve électronique tiré de l'album Super Époque, juste après Darling. Donc la Jarry, c'est aussi ça. Ils savent utiliser de belles paroles pour dire des mots d'amour aussi. Ça, c'est important. Et en plus, je sais que quand j'étais au concert, on m'a dit, Benoît, il a une superbe voix. Je dis, bah ça, je peux le dire, je suis témoin, parce qu'il a déjà chanté, il a interprété des morceaux ici en direct dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il a une voix, une très belle voix, et puis il la place bien dans les instruments. Ça, c'est quelque chose qui est formidable. On comprend bien ce que tu dis. Tu chantes en français en plus. Et puis David, le guitariste hors pair, hein, qu'on connaît depuis déjà de nombreuses années, qui des fois tu fais des solos, des fois tu les fais varier un petit peu. Moi qui connais bien les versions de l'album, quand je vais te voir en concert, bah tu les fais varier aussi un petit peu, tu les changes un petit peu. Il y a ce côté voilà, on est les uns devant les autres et t'as envie de les jouer un petit peu différemment et ça je trouve formidable. Tu le fais comme tu le ressens, voilà. Voilà, c'est sympa, merci. Et ils sont là tous les deux dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir une fois de plus, hein, parce que vous êtes comme à la maison ici, hein. C'est pas. Merci un peu comme accueil. C'est toujours un plaisir aussi. On aime bien venir, ouais, tout à fait. Voilà. Donc, super. On vient d'écouter. Je voulais passer quand même quelques morceaux de précédent album. Si on pouvait, on durerait beaucoup plus longtemps parce que vous avez plein de bons albums, plein de bons morceaux à diffuser. Et cet album Super Époque était sorti il y a combien de temps déjà ? En 2022, ouais. Donc le temps passe vite. Hein. Et il y a plein de bonnes choses dedans. Hein. On aurait pu passer. On n'a pas le choix. Ou il y a plein de bons morceaux. Il y a aussi des morceaux de précédents albums comme Babylone, Mea Culpa, Le Chat Noir. Tous ces morceaux-là, c'est des morceaux qui sont bien rentrés dans la tête des gens qui vous aiment. Et je sais pas si on aura le temps de tout diffuser. En tout cas, aujourd'hui, priorité quand même aux deux derniers EP qui s'appellent Rêve et Cauchemar. Voilà. On va parler aussi donc dans les projets. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il y a déjà la tournée qui va commencer maintenant. Là, pour 18 mois, vous allez faire combien ? 80 dates ? Oui, c'est oui, ça va beaucoup jouer. On est super contents. C'est toujours un plaisir de repartir sur la route avec un nouveau disque. Mm-hmm. Donc c'est pour ça qu'on est super contents de. Bon, là on est en répétition, en résidence. On travaille le spectacle, lumière, le spectacle, enfin le son aussi avec Fred qui nous suit depuis quelques années. Qui est une personne importante pour nous parce que c'est lui qui Fred Mordier, voilà, qui nous connaît par cœur. C'est un ingénieur du son formidable qui a beaucoup tourné avec Trio, avec Ezekiel, avec Bertrand Cantat aussi. Et le fait d'être venu à faire le son de la Jarry pour nous, c'était super important parce que c'est lui qui nous donne un peu ce côté, cette âme un peu alternative du rock, garder vraiment un esprit rock en français. Sans tomber dans le métal ou le hard rock, mais on aime bien rester très très guitaristique, mais très alternative en même temps. Voilà. Mmh. Très bien. Donc c'est un style. C'est vrai que quand on va au concert, il y a des moments vraiment super puissant, mais ça reste super agréable à écouter et donc déjà le son est bien géré, parce que moi j'ai des fois été à des concerts où le son, bon, on joue fort, mais on joue tellement fort qu'au bout d'un moment là le son est clair et tout ça quand on va au concert, donc c'est super agréable. Et en plus vous tombez, comme vous dites, vous êtes pas un groupe de metal ni de punk, vous êtes un groupe de rock'n'roll, et même quand vous jouez fort, ça reste accessible à tout le monde, quoi. Je vois, il y a beaucoup de gens qui écoutent pas forcément du rock mais qui viennent vous voir aussi, voilà. Oui, et puis c'est vrai qu'on écrit des chansons, en français aussi, donc ça, quand tu parles aux gens, il y a une attitude, enfin les gens captent le message différemment que si on les chantait en anglais. Donc c'est très important pour nous de dire frontalement, en fait, de parler aux gens frontalement, de leur dire ce qu'on a envie de leur dire et de leur faire. Leur retour est super important pour nous aussi, donc ça marche dans les deux sens. Ouais. Mmh. Mmh. Très bien. On avait dit qu'on parlerait un petit peu de la chanson Darling. Autre chose à rajouter ? Je ne sais pas si c'est vrai qu'on n'est pas revenu dessus. Non, Darling, ça fait partie de ces chansons où ça part d'une compo toute simple. Et puis, t'as différentes manières de l'orchestrer, et à un moment, on se jette sur l'une des versions, mais elle aurait pu exister aussi d'une manière différente, cette chanson. D'accord. Moi, je vois tout le travail parce que c'est vrai que nous, on voit le produit fini. Voilà, on a deux EP qui sont sortis avec chacun 5 titres. Donc, ça fait 10 morceaux qu'on découvre. On voit la version finale, mais vous les avez découverts, vous les avez construits brique par brique. Et donc, il y a les paroles, il y a les paroles en français. Donc, le français, il faut le faire sonner bien comme il faut avec le rock'n'roll. C'est pas chose facile. Vous le faites très bien. Et après vous arrivez à un résultat et puis le résultat vous me dites on aurait pu l'interpréter d'une autre manière. Effectivement, c'est vous qui avez tout construit, donc vous auriez pu monter les blocs d'une toute autre manière. Et nous qu'on écoute, on se dit ouais, à la limite oui, c'est vrai que cette chanson-là pourrait être reprise d'une certaine autre manière, etc. Est-ce que par exemple vous avez aussi des morceaux qui donnent envie de danser? Est-ce que ça serait intéressant aussi que, par exemple, un DJ s'y intéresse et qu'il la remixe un petit peu en musique plus électronique, plus dansante ou un truc comme ça? Est-ce que ça serait un truc qui a déjà été fait ou est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez peut-être que quelqu'un fasse? Écoute, c'est une bonne question. Non, ouais. De toute façon, je pense qu'une chanson, quel que soit l'artiste, le groupe, le chanteur, la chanteuse. Quand une chanson est bonne, quand la mélodie est cool, les paroles sont super, je pense qu'il y a une infinie possibilité de la faire sonner avec des arrangements différents, des styles différents. Et quand une chanson est bien, quand c'est une bonne chanson, tu peux lui donner l'âme d'un groupe, en l'occurrence d'un artiste qui va la faire sonner à sa manière. Et puis tu peux aussi la donner à quelqu'un d'autre qui va la faire sonner complètement différemment et ce sera aussi bien. En fait, c'est un peu ce qu'on oublie des fois, et nous les premiers, hein, quand on est en studio, on est très très méticuleux, on essaie d'avoir le tel son, on essaie de faire sonner ça de telle manière, et en fait, c'est juste que de la musique, c'est juste une chanson, c'est des paroles sur une mélodie. Quand t'écoutes, ça te recadre tout de suite dans ta pensée, quand tu écoutes les vieilles chansons comme Edith Piaf ou avec des moyens techniques qui étaient différents, la qualité est moins bonne en termes d'écoute, enfin voilà, mais finalement c'est pas le sujet. Ce que tu écoutes, c'est la mélodie sur la chanson qui est jouée par un instrument, souvent d'ailleurs il n'y a pas batterie, basse, etc. Mais la chanson existe et parfois on a un peu tendance à oublier ça. C'est que oui, et puis le côté époque, le contexte du moment, on en parlait tout à l'heure. Ça a été enregistré pendant les années 50 ou 60, mais il fallait que ce soit fait comme ça à cette époque-là. Et c'est pour ça que c'est bien, en fait, tu vois. Et c'est vrai que nous, on écrit des chansons aussi avant d'instrumentaliser, on va dire. Et c'est pour ça que, comme je te disais tout à l'heure, à chaque album, on essaye aussi d'avoir un son un peu différent. Mais on a une manière d'écrire qui peut nous permettre ça aussi. Très bien. Donc et parfois on se plante d'ailleurs. Et souvent on jette. Ben ouais, évidemment. Mais je pense qu'il y a tellement de possibilités, tellement d'essais qu'on peut faire que finalement il y a des voies auxquelles vous vous êtes fermé, qui peut-être quelqu'un d'autre pourrait dire tiens pourquoi vous l'interprétez pas comme ça, et finalement vous engagez dans une voie que vous auriez pas trouvé dès le départ, et finalement ça sonne pas mal, et puis voilà, il y a plein de choses à explorer, quoi, finalement. Ouais, c'est infini, la musique, c'est infini. Et tu t'aperçois aussi quand t'es un groupe comme nous, tu malheureusement parfois t'as des super bonnes chansons, enfin t'as l'impression que la chanson est super bonne, sauf que ça colle pas avec la voix ou avec la manière de jouer de la guitare de David, ou voilà, donc cette chanson finalement elle sera pas pour nous, voilà. Ouais, j'imagine. Ouais. Et il y a des groupes comme ça, des fois qui me disaient, moi je reçois régulièrement des artistes, ils disent des fois il y a des morceaux et non ça passe pas, et un jour ils ressortent et ils font une petite variation de rien du tout, et finalement c'est ce qui fait qui est que tout d'un coup ça passe et que le morceau est bien, et des fois rien que le petit déclic il met des années et des années à venir, et comme tu disais c'est juste de la musique, juste une mélodie, mais c'est l'émotion qui en ressort qui est le plus important, parce que quand on écoute de la musique il y a des musiques des fois qui nous parlent, des fois d'autres qui nous parlent pas, et il y en a certaines qui nous mettent une émotion pas possible. Moi en tout cas je ressens comme ça, hein. C'est vrai que la phrase qui te recadre souvent, parce que ça nous arrive aussi nous de en studio parfois de on n'est pas très très content de se prendre la tête sur des chansons, etc. Et la phrase « c'est que de la musique » te recadre très vite, en fait. Ouais, ouais. Ouais, il faut venir aux choses les plus simples, finalement. Oui, puis t'es surtout là pour prendre du plaisir. Ouais, c'est ça. Très bien. C'est ce que je disais. C'est bien l'émotion. Tout à l'heure, on parlait du c'était mieux avant, c'était mieux après. Il y a une chose, entre temps que j'ai pensé, bon, je trouve ça un peu drôle. C'est qu'avant, je voyais sans mes lunettes et aujourd'hui, je vois plus sans mes lunettes de près. Donc ça, c'est une chose qui était mieux avant quand même. Ils sont passés miracles. Je l'ai pas rêvé, mais c'est peut-être un cauchemar, ça, quand même. Faut le dire comme ça. Justement, vous échangez avec les gens et il y a une question qu'on vous pose souvent, c'est « tu vas bien ?» Donc c'est encore un titre qu'on va découvrir, qui fait partie de l'EP Cauchemar, cette fois-ci. C'est ça, hein ?« Tu vas bien », pour moi c'était plutôt du côté positif, mais bon, c'est la manière dont on le dit qui fait toute la différence. Ouais, parce que le petit point d'interrogation en fin de phrase change tout. Ouais. Ah bah oui, c'est vrai que je l'ai pas mis, mais je vais le mettre sur le programme de l'émission Mavrika numéro 630 du vendredi 7 mars. Donc vous allez sur le Facebook de l'émission Mavrika et vous retrouverez tous les titres que nous diffusons dans cette émission. Comme ça, les groupes qui sont concernés le savent. Et puis ceux qui écoutent l'émission, qui ont envie de réécouter des morceaux parce qu'ils leur ont plu, ils peuvent retrouver donc les titres et puis les retrouver très facilement grâce à Internet et puis acheter l'album aussi, ça c'est le plus important. Voilà, donc on est dans l'émission Mavrika et on va écouter tout de suite la chanson « Tu vas bien » le groupe La Jarrie. Des cachetons pour être heureux, même si au fond de moi ça va pas, tant pis, je te fais croire que ça va. Je vois mes parents qui prennent des rides et puis tous mes potes divorcés. T'as des nouvelles de la voisine depuis que son fils s'est suicidé. L'autre jour ils ont dit aux infos que la terre allait peut-être exploser. Ça paraît con mais ça m'inquiète, et toi tu vas bien. Qui vit à l'autre bout de la planète. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu. Putain, ça manque la fête. Mon frangin a fait des conneries. Il est à Fleury-Mérogis. Jackie a fait un infarctus. Sans doute à force de picoler. Serre-moi encore. On pourrait peut-être s'aimer. J'y crois à mort. Et toi, dis-moi, tu vas bien. Pour aller mieux, je prends des cachetons pour être heureux. Même si au fond de moi ça va pas, tant pis, je te fais croire que ça va. Voilà, tout ça c'est pour te dire qu'on est tous dans la même galère. Alors moi je profite de la vie. Et toi? tout oublier. Dans l'émission Maureka, on écoute tout jusqu'à la dernière note. Hein. C'est pas comme dans d'autres radios, on coupe les morceaux en plein milieu. Nous, on prend le temps d'écouter les musiciens, puisqu'ils ont tout mis dans ces morceaux-là. Et donc, c'est important d'écouter jusqu'au dernier silence. Voilà. Le groupe La Charrie avec Tout Oublié. Et juste avant, c'était Tout Va Bien. Tout va bien avec un point d'interrogation. Voilà, donc, j'écoutais tout à l'heure Tu vas bien, c'est un morceau qu'on pourrait remixer, ça c'est très dansant ça, c'est un morceau, ça va peut-être donner des idées à des DJ qui nous écoutent de faire une version dance, pourquoi pas. Voilà, ça serait intéressant en tout cas, ça serait marrant. Voilà, bon, je lance un petit défi, si jamais vous êtes DJ, vous avez envie de remixer ce morceau-là, vous nous le faites parvenir et puis on le présentera à La Charrie et peut-être un jour on pourra faire un petit morceau un peu différent, hein, un maxi 45 tours, on va dire ça comme ça. Voilà. Alors il y a des gens, ils savent pas ce que c'est qu'un maxi 45 tours. Alors un maxi 45 tours, c'est les... Ou même un 45 tours, simplement. Les disques noirs, là, vous saviez. Les disques noirs qui en vinyle, qui existaient à une certaine époque, qui reviennent aujourd'hui à la mode. À l'époque, il y avait aussi il y avait des 45 tours qui étaient petits, et il y avait les maxi, c'est-à-dire qu'ils avaient la taille du 33 tours, mais il y avait qu'une chanson, voire deux, mais très très longue, en version longue. Donc c'était les maxi 45 tours qui étaient utilisés par les DJ dans les discothèques, voilà, tout simplement. Voilà. Donc on vient d'écouter deux morceaux à la suite. Alors Tout Oublié, ça c'est encore un nouveau morceau. Vous voulez nous en parler un petit peu? Ouais. Tout Oublié, c'est un titre rock qu'on a fait avec le groupe en studio. Tu vois, là, c'était tous les quatre, 1, 2, 3, 4, c'était parti. D'accord. Et puis voilà, c'est né comme ça, avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie. Après, Benoît a écrit un texte qui parle du petit homme, voilà, qui aime les bombes. Et, d'accord. Ouais. Et voilà, donc on l'a écrit à deux, je crois, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc du coup, bah, ça reste un peu d'actu, c'est vrai, quand t'écoutes. Ouais. Ce qui se passe, voilà, c'est un peu... Parfois nos sources d'inspiration. Écoutez un peu les infos. Ouais. C'est sûr. Bon. Voilà. Bon. On va passer, parce que les petits hommes qui aiment les bombes, il y en a plus qu'un seul. Il y en a énormément et c'est ce qui devient de plus en plus inquiétant. Voilà. Je voulais remercier aussi plusieurs personnes. Donc, déjà, je voulais remercier Georges, qui est la personne qui s'occupe du site web de Radio Arc-en-Ciel, qui nous a fait une très belle affiche, je sais pas si vous l'avez vu, je l'ai partagé tout à l'heure. Donc Georges qui qui est notre webmaster et qui se trouve au Portugal. Et donc, je lui envoie les informations en disant je vais recevoir tel ou tel artiste. Il nous fait une petite affiche avec le groupe, l'émission Mavrica, et il le poste sur le Facebook de Radio Arc-en-Ciel, parce que il y a aussi une page, hein, il faut y aller de temps en temps. Donc il y a l'émission Mavrica, mais il y a aussi de toutes les autres émissions qui sont faites sur le 96.2 MHz à Fleury-les-Aubrais, juste à 5 minutes du centre d'Orléans. On va remercier aussi la personne qui fait le podcast, c'est notre ami Florent qui enregistre toutes les émissions et qui après les met sur un site. Donc si vous avez loupé l'émission, si vous l'avez pris en cours, vous avez loupé le début, ou vous avez loupé la fin, ou vous l'avez loupé complètement, ou alors elle vous a plu et vous avez envie de la réécouter, ça c'est quelque chose qui est possible aussi, ça arrive. Il y a des gens qui écoutent les émissions, et puis comme moi, le premier, j'écoute les émissions et quelques mois après, je réécoute des fois des émissions et je me dis ouais, ah, j'ai fait une bonne émission quand même, hein, je suis fier de moi. Ou alors des fois je dis voilà, c'était un petit peu bon, ça dépend, hein. Ça dépend de l'humeur, ça dépend de plein de choses, mais enfin c'est en faisant des émissions comme ça qu'on se corrige et qu'on fait des émissions de mieux en mieux. Et j'espère que vous êtes contents d'écouter l'émission Mavrica avec le groupe La Jarry ce soir, en tout cas. Donc on va remercier Florent qui est notre la personne qui s'occupe des podcasts. Donc au fur et à mesure il les fait, il les poste sur un groupe qui s'appelle Groupe de Podcast de Radio Arc-en-Ciel, il me semble, et je partage le lien sur le Facebook de l'émission Mavrica, comme ça tout le monde peut réécouter. Réécouter. Et d'ailleurs, il y a celui de Max Livio qui a été posté il y a quelques jours. On va aussi parler de certains concerts. Donc, moi, je vais en citer quelques-uns, sinon on peut passer beaucoup de temps. Alors, il y en a un qui sera au Dropkick demain. Donc c'est Glass Zone, puisque c'est un groupe de Cold Wave, j'ai diffusé un morceau tout à l'heure. Il sera demain en concert avec un autre groupe de Tours qui s'appelle The Shadows Goes Out. Shadows Gone Out. Voilà. Donc ça sera au Dropkick à Orléans, donc à partir de 20h. Il y aura aussi, je l'ai cherché tout à l'heure, parce que tout à l'heure, en fait, au téléphone, j'ai eu monsieur Christophe, qui est le guitariste du groupe Prisma. Qui vous passe le bonjour d'ailleurs, qui écoute l'émission. Salut Christophe. Alors ouais, il est très assidu, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui écoute régulièrement les émissions. Il m'appelle pratiquement à toutes les émissions. C'est vraiment quelqu'un qui est à fond avec les artistes de la région. Et il a lui-même un groupe qui s'appelle Prisma, donc. Et il organise, il a une association qui s'appelle Creek for Zik. Et il organise régulièrement tous les ans, donc un Creek Fest. Le Creek Fest, donc ça sera l'édition numéro 4. Ça sera le samedi 5 avril 2025, donc bientôt. Très bientôt, oui, ça arrive. Hein. Je comprends son stress, hein, en tant qu'organisateur, quand on organise comme ça des événements, on a toujours peur qu'il n'y ait pas trop de monde. Il faut qu'il n'y ait pas de quoi, que tout aille bien. Et en plus, il fait un festival, c'est carrément un festival, on va dire ça comme ça. Hein. Il y aura le groupe King Crown, donc c'est pour ceux qui aiment surtout la musique heavy, hard, rock et tout ça, quoi. Donc c'est quand même assez musclé. Le groupe King Crown, le groupe Stratagem, le groupe Ben, un groupe d'Orléans qu'on n'a pas encore reçu, mais on a des contacts, un de ces jours ils viendront dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, et le groupe Prisma bien évidemment. Donc ça se passe à la salle Espace Loire à Cléry-Saint-André, donc 45 370, et l'ouverture des portes est à 18h30. Donc ça c'est un événement pour tous ceux qui aiment la musique musclée, hard. Et puis on va aussi annoncer notre concert Mavrica Live qui aura lieu le... C'est vrai que Christophe, pour en revenir, on l'a déjà rencontré. C'est quelqu'un qui se donne beaucoup pour la musique, et ça fait plaisir d'avoir des gens comme ça qui font bouger les choses en organisant des festivals. Il faut aller au festival. Hein, il faut y aller, c'est vraiment bien. C'est des gens qui sont clés dans la carrière de certains groupes, qui permettent au groupe de jouer. De faire des concerts, voilà. Donc on le salue, on lui dit bonne chance pour le festival en tout cas. Voilà, très bien, ça c'est quelque chose de très important. Donc allez au festival, allez au Creek Fest, allez aussi aux autres, hein. Il y en a certains que je vais pas annoncer à la radio, mais par contre il y a une page qui s'appelle le nouvel agenda de Mavrica. Ou dès qu'on m'invite à un truc comme ça, ou dès que je suis au courant de quelque chose, je le partage sur cette page-là. Donc si vous voulez être au courant de tout ce qui se passe dans la région orléanaise, allez-y, et puis vous allez découvrir plein de choses. Et justement, il y a aussi une date qu'il faut pas oublier, c'est le 19 avril, donc c'est un samedi. Il y aura aussi le Mavrika Live numéro 14 quand même, 14e édition du Mavrika Live. Donc ça fait des années qu'on fait ça et on voudrait qu'il y ait vraiment beaucoup de monde parce que ça nous encouragerait, parce que après le Covid, effectivement, on a eu moins de monde qu'à une certaine époque. Donc aujourd'hui, soyez au rendez-vous, venez nous voir donc le samedi 19 avril. Il y aura le groupe Azen Blues, le groupe Cross Band, il y aura le groupe Deep Turtle et il y aura aussi le groupe alors c'est bon, je vais vous raconter l'histoire, ça s'appelle Chris et Phil. Alors Chris et Phil, c'est un duo qui n'existe pas. En vérité, c'est Christophe, le chanteur du groupe Barricade, qui joue avec Léo. Mais Léo n'est pas disponible ce jour-là, donc Christophe m'a dit, écoute, je vais bien venir, mais j'ai pas Léo, je vais pas venir tout seul. Je vais essayer de trouver quelqu'un. Et donc, il a créé ce duo pour le Mavrika Live. Et donc, on aura le plaisir d'avoir Chris et Phil qui sera en interscène. Donc, il y aura aussi des exposants. Et puis, il faut venir. C'est à partir de 19h à l'espace Bérère, à la Chapelle Saint-Émin. C'est le samedi 19 avril, le Mavrika Live numéro 14. Voilà. Voilà pour les dates. Hein. On aurait pu rentrer dans d'autres détails, tout ça. Et si vous avez aussi des dates, vous pouvez nous le dire pour les prochaines fois. Il n'y a pas de souci. Voilà. On peut aussi peut-être annoncer vos prochaines dates à vous, même si c'est pas dans la région, il y a peut-être des gens qui seront justement à l'extérieur, qui vont pouvoir aller vous voir. Oui, bah écoute, la prochaine date c'est le 18 mars dans les Alpes, dans le 74, Haute-Savoie, au Festival Rock the Piste. Ensuite, nous irons à Pau en avril, je crois que c'est le 28 ou 29 avril, Pau. Ensuite, nous aurons Strasbourg, on va jouer sur le au stade de la Ménou, sur le parking du stade de la Ménou, juste avant un match de foot. D'accord. Donc ça, c'est cool. Ça va être sympa. Vous qui aimez le foot. Oui, exactement. Ça, c'est très sympa. Et puis après, on va partir à côté de Lyon, mi-mai, et le 7 juin, un beau festival à Troyes, qui s'appelle le V-Twins. On va jouer avec notre pote Little Bob. Ça nous fera plaisir d'aller voir Little Bob. Ouais. Voilà, ça va être très cool. Et après, bon, on va partir tout le mois de juin un peu dans les festivals. Et après, on part au Canada et aux États-Unis sur la première quinzaine de juillet. Voilà. D'accord. Est-ce que vous allez vous aussi voir d'autres artistes sur scène? Parce que bon, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Mais vous, par exemple, vous êtes des artistes, vous montez sur scène, tout ça. Est-ce que vous allez aussi On en voit déjà beaucoup dans les festivals. Ouais, quand on joue, ça, forcément. Ouais. Vous avez un échange sur la scène. Vous êtes avec d'autres personnes, donc vous partagez des scènes. Et y a peut-être certains groupes que vous avez envie de citer, des groupes qu'on connaît pas forcément et qui méritent d'être plus connus. Non. Écoute, il y a on est toujours très content de partager la scène, tu vois, avec des groupes comme Elmer Footbeat là, avec lesquels on a joué l'année dernière plusieurs fois. Ouais, je les ai vus déjà deux reprises en concert. Ouais, voilà, ça on voit bien. Ouais. C'est des gens super cool. Ouais. C'est resté dans super ambiance. Et après, il y a une très belle scène rock français. Il y a les Portivo qui est toujours sur la route, tu vois. Darcy qui a un super groupe de Rennes aussi, qui est vachement bien. Il y a nos potes de Cachemire aussi, qui sont des Nantais. Voilà, donc une vraie scène rock français qui est toujours présente, qui tourne vraiment beaucoup. Et c'est toujours un grand plaisir de les croiser sur scène, en tout cas. En fait, il y a un vrai décalage. Nous, on voit en festival, parce qu'avec la Jarry, on fait beaucoup de concerts. Et il se passe vraiment des choses, notamment dans le rock français, avec des très bons groupes qui sont un peu non médiatisés, on va dire, mais qui font beaucoup de concerts et qui ont une vraie fanbase, et donc les groupes qu'on t'a cités en font partie. Et c'est toujours très très agréable de discuter, d'échanger, d'écouter nos concerts respectifs, parce que les choses avancent aussi de ce côté-là. Très bien. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est dommage qu'on les entende pas aussi souvent qu'on voudrait dans les radios, hein, parce que, ou alors après, il y a des radios spécialisées au niveau internet et tout ça. Mais sinon, c'est vrai que sur la bande FM, en tout cas sur Orléans, il y a très peu de ces artistes-là qui sont diffusés, ce qui est un petit peu dommage. Justement, il faut un peu court-circuiter le truc et aller au concert, aller les encourager, et vous allez voir qu'ils ont des fans, ils ont plein de gens, ils arrivent à remplir des grandes salles. Pourquoi ? Parce que ce sont des vrais troubadours, des vrais musiciens, des gens qui vont au contact des autres. Et ça, c'est peut-être c'est là qu'on voit les vrais musiciens. Hein. C'est quand ils sont sur scène, etc. Parce que il y en a certains qui font des disques et à part ça, ils font rien d'autre. Et les vrais musiciens, c'est ceux qui se produisent sur des scènes, qui vont au contact du public, qui mouillent leur chemise sur la scène. Donc c'est oui, pour le plaisir de tout le monde. Il y a une vraie scène. Moi, je trouve qu'il y a une vraie scène. Tu vois, il y a des groupes qui sont cool, même à Orléans, sans aller très loin. Tu vois, il y a des gens qui... Il y avait Alex qui était là tout à l'heure. Ouais, on lui a pas donné la parole, il n'a pas voulu s'asseoir, mais Alex Le Bail, voilà, un artiste qu'on aime beaucoup, et bah, c'est un peu grâce à vous que je l'ai connu, hein, parce qu'il a fait une première partie une fois d'un concert. Tout à fait, et puis il y a d'autres groupes bien, moi j'aime bien les Brunettes par exemple, tu vois, qui a un bon groupe de rock féminin, tu vois, ils sont cool, bah, enfin, elles sont cool en tout cas. Voilà, ça m'a fait plaisir, parce que justement, quand j'ai été vous voir, il y avait Hélène des Brunettes qui était là, et je lui ai dit, tiens, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était déjà au concert de la Jarry, et comme quoi, il y a des gens qui vont vous voir, qui vous retournent vous voir, et les Brunettes, elles sont déjà venues ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, elles n'avaient pas d'enregistrement à l'époque, ils avaient fait un seul morceau qui était enregistré en studio pour l'émission, donc je suis fier aussi d'avoir des morceaux comme ça collector, et puis ça serait bien qu'elles viennent, parce que là, elles sortent un 45 tours en plus. Ah bah voilà, tu vois, l'occasion. Un 45 tours. C'est super, quoi. Très bien, les Brunettes, d'autres groupes que vous connaissez aussi. Que... Là, tout à l'heure, on avait aussi une personne qui était du groupe Skydroll, qui était venue ici il y a pas très longtemps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, qu'on avait découvert. Donc, avec du rock bien endiablé, bien hard, on va dire comme ça. On a aussi la chance, nous, avec la Jarry, d'en voir pas mal, puisque grâce au studio Mea Culpa. Ouais. Je sais que t'as reçu Max Libio l'autre jour. Ouais. Il était passé par chez nous il y a pas très longtemps. Bah, évidemment, on voit un peu aussi toute la scène orléanaise. Ça nous permet de discuter, de voir ce qui se passe dans notre studio. C'est cool. Très bien. Donc, y a des gens qui viennent enregistrer chez vous, hein. Tu donnes aussi des cours de chant, Benoît. Oui, ça m'arrive. Non, ça m'arrive, quand on n'est pas en tournée, etc. J'aime bien ce côté, enfin travailler la voix, c'est un transmission du savoir. Ouais, non, ouais, mais c'est vrai que c'est mon instrument, la voix, donc j'aime bien. Que chez certaines personnes c'est presque inné, parce qu'il y a des gens qui, et puis d'autres non, ils ont beau chanter juste, il y a quelque chose qui manque, et c'est vrai que travailler avec un autre chanteur, ça peut lui permettre de recadrer sa voix, de la mettre plus en avant et tout ça. Et ça, c'est important. Moi, j'ai vu des artistes évoluer justement parce qu'ils étaient au contact d'autres chanteurs qui leur ont transmis des choses, des petits trucs qu'on apprend des fois avec le temps. Je sais que moi, c'est pareil dans la radio. Moi, je l'ai appris tout seul. J'ai appris doucement. Et un jour, j'ai eu la chance d'avoir une personne qui était professionnelle, qui m'a dit voilà, tout ce que tu fais, c'est bien. Et il m'a donné des conseils, mais les conseils, je les avais appris, mais avec des efforts, des années d'expérience, que j'ai fini par comprendre ça. On me l'aurait dit tout de suite, j'aurais compris beaucoup plus facilement et j'aurais évolué beaucoup plus rapidement. Donc je pense que pour les chanteurs, c'est pareil. Hein. Donc, Oui, c'est vrai qu'on même nous, enfin en tant qu'artistes, on a besoin d'avoir des conseils d'autres personnes. On a pris aussi des cours de scène, tu vois, pour... Ça, c'est important aussi. Hein. L'attitude, le regard, c'est des choses qui sont pas innés, en fait, qui tu dois travailler. Ouais, ça me rappelle justement, tout à l'heure on parlait du groupe Glass Zone, donc Judy, le guitariste chanteur et compositeur, auteur, compositeur, interprète, il est venu ici à plusieurs reprises, il nous parlait de groupes. Il y avait un groupe apparemment dans l'époque dark, comment on appelait ça, ça me revient pas. À l'époque, un petit peu froide, hein, c'est-à-dire que Cold Wave, voilà. Cold Wave. Il y avait un groupe qui jouait. Ils étaient retournés. Ils bougeaient pas. Ils étaient retournés par rapport au public et ils jouaient comme ça les concerts. Je dis ouais, bah, c'est vachement bien d'aller voir en concert, mais bon, c'est bien quand ça bouge et puis c'est bien quand il y a une communication. Là, finalement, mais bon, après c'est le style aussi, peut-être. Le concept, ouais. Mais bon, quelque part, c'est au bout de, si on va les voir pendant une heure, ils sont retournés, ouais, c'est bien, mais bon, on aime bien quand même qu'il y ait de l'action, qu'il y ait un dynamisme sur scène et qu'il y ait une communication avec le public, parce que sinon, donc ouais. Et après, il y a aussi savoir bouger sur scène, c'est pas évident. J'imagine les musiciens, ils ont les bras cloués à la guitare, donc bouger au même temps. Voilà, il faut, il y a quand même déjà maîtrisé l'instrument à fond, parce que pour réussir à jouer, moi j'ai vu David qui s'était couché là, la dernière, au dernier concert, et qui continue de jouer. Et je dis purée, le son il sort super bien et tout ça, il est super doué. Réussir à faire ça comme ça, c'est pas évident. Moi je me mets, voilà, il y a quand même une sacrée maîtrise. Hein. Voilà, c'est. Et donc, ça, c'est quelque chose que vous travaillez, je suppose. Hein, En fait, c'est les centaines de concerts aussi qu'on a fait. Ouais, l'expérience. Ouais. Qui nous aident, mais c'est vrai que forcément, pour chanter surtout dans un groupe de rock, quand tu as les énergies humaines derrière, avec les amplis à fond, la batterie, etc., c'est... Ça demande une certaine patience. patience, savoir-faire, technique. Enfin voilà, si tu fais une heure et demie de concert et que tu as la voix défoncée dès le deuxième titre, c'est compliqué. Enfin voilà, donc c'est des choses qui s'apprennent. Ça c'est vrai que moi je m'en rendais pas compte. Je suis pas chanteur, donc si je chante une chanson, voilà. Mais effectivement, c'est tout un travail. Chanter pendant une heure et demie, c'est quelque chose d'hallucinant. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller à des matchs de football et de hurler comme il faut. Et le lendemain matin, j'ai une distinction de voix. J'imagine les chanteurs qui sont obligés de placer leur voix. Qu'il faut quand même que ça ressorte et tout ça. Et un niveau assez élevé. Donc c'est pour ça les cours servent. Ça, en fait. Il faut apprendre à respirer déjà, parce qu'il y en a certains aussi, ils arrivent à la fin de leur phrase, ils n'en peuvent plus, la voix au bout d'un moment s'en va, et donc il faut ménager ses cordes vocales, il faut apprendre à respirer, il faut apprendre à... Il y a tout un tas de trucs, c'est de la technique. Je sais pas si tu connais Arnaud Walden, lui aussi il est prof de oui, chant, il enseigne aussi. Il nous a accueillis pour son festival. Ah bah oui. C'est vrai que j'avais été vous voir là-bas. Ouais. C'était au festival Rock in Rebrèche, ouais, voilà. Effectivement. Donc Arnaud, lui c'est pareil, il a salut appris. Salut Arnaud. Il a appris. Ouais, Arnaud, on fait un petit coucou. Il est venu il y a pas très longtemps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'est un artiste que j'apprécie depuis longtemps et ça faisait des années qu'il n'était pas revenu. Parce qu'il était venu à plusieurs reprises et puis ça fait au moins 4 ans qu'il n'était pas venu, donc il est revenu à nouveau. Bon, on a toujours des bons contacts avec lui et c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, hein, et qui fait beaucoup pour la musique dans la région Orléans, et ça c'est important aussi parce qu'il s'occupe de ses groupes à lui mais aussi d'autres groupes. Il était l'initiative de pas mal de concerts, même si je crois que c'est fini pour Rock in Rebrèche. Je crois que c'était la dernière édition là. Vous n'étiez pas au courant? Non, c'est vrai qu'on n'avait pas entendu parler cette année. Ouais. Et du coup, tu me l'apprends, ouais. Ouais, mais il y a pas mal de trucs qui vont mal, hein, depuis quelques temps. On sait qu'il y a un peu une crise au niveau des associations et tout ça. Donc, les casseroles, c'est en stand-by aussi. Rock in Rebrèche, bon, apparemment, c'est fini. C'est un peu dommage. Donc, c'est pour ça, il faut y aller au concert. Il faut aller voir les artistes. Il faut se bouger, quoi, simplement, pour dire, voilà, on est là. Et quand vous faites quelque chose, on est présent. Parce que sinon, un jour, on va regretter. On va dire, il n'y a plus rien. Bah oui, mais quand il y avait, il fallait y aller, tout simplement. Hein. Voilà. Donc, j'encourage les auditeurs à y aller. C'est bien d'écouter à la radio. Aller au concert. Il faut aller au concert. Encourager vos artistes. Hein. Chacun ses goûts. Que le feu ne s'éteigne pas. Allez-y. Ouais, tout à fait. Voilà. Puis après, nous, on parle du rock'n'roll. Mais bon, il y a d'autres musiques. Hein. Il faut aller découvrir plein de choses. Il faut pas se fermer. Il faut surtout pas tourner le dos aux autres choses. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous allez dans des studios qui font pas forcément votre musique à vous, mais qui vont justement interpréter votre sonorité différemment par rapport à ce que eux ils connaissent. Ils ont une autre manière de travailler, donc c'est enrichissant, voilà. Il y en a certains qui viennent du rap, il y en a qui viennent de l'électro, il y en a qui travaillent plus avec des machines, d'autres travaillent plus avec des instruments acoustiques, et c'est comme ça qu'on s'enrichit, quoi. Voilà. Ouais, puis c'est vrai que nous avec la Jarry, en tout cas, on aime bien se mettre en danger quand on fait nos disques. C'est ça le rock'n'roll. et dans les concerts aussi, tout à l'heure vous parliez de choses, vous avez une certaine expérience, il y a des choses qui marchent, mais je suis sûr qu'il y a aussi dans votre carrière des moments où vous avez voulu lancer un truc, vous dites bon ça marche pas, on arrête. J'imagine, hein, je sais pas du tout, hein, j'imagine. Très souvent. mais je crois que ça c'est normal, mais si on prend pas de risques, on n'arrive jamais à rien, il faut prendre des risques. Voilà, c'est ça le plus important. Et c'est que de la musique. C'est que de la musique, au même temps. C'est pas un vrai métier, comme il y en a certains. Vous êtes musicien? Ah bon, vous faites autre chose? Non, non, je suis que musicien. Il y en a qui vivent que de la musique. Il y en a d'autres qui font musicien et autre chose. Mais c'est un vrai métier quand on veut bien le faire. Voilà, ça c'est important. Ça prend du temps. Ça prend du temps, oui, j'imagine. Voilà, et c'est que de la musique. On écoute encore un titre, on va continuer. Cette fois-ci, on repart dans le disque rouge. Donc le disque rouge, c'est Cauchemar. Et c'est L'Ivresse. Vous voulez nous en parler un peu de L'Ivresse? Oui, oh, oui, oui, tout à fait. On aime bien parler de ce sujet. Là, on est sobre pour l'instant. Ouais, tout va tout bien. À fait, donc... Tout à fait. Bon, on attend, on attend. Non, non, Ivresse, c'est un titre qui, encore une fois, est né bien avec le groupe. Mais en fait, c'est une chanson qui a été composée. En fait, comment je peux expliquer? Tu as dedans différentes parties qui se sont emboîtées les unes dans les autres. On avait différents riffs de guitare, différents rythmes de batterie, et on a essayé de les assembler sur un titre de 3 minutes. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de changements dans ce titre qui ont été faits vraiment volontairement par le groupe, de manière à ce que ça vive tout le temps. Et on est parti d'un riff de guitare, mais Alex est arrivé avec la batterie, a proposé un autre rythme, Arnaud pareil, donc ça change, ça revient, ça change. Et ça, c'est vraiment la richesse de ce titre, et c'est vrai que c'est l'un des titres qu'on adore jouer. Ça c'est pour le côté musique, parce que pour le côté texte, sujet de cette chanson, c'est juste pour dire qu'on en a marre de tous ces gens qui veulent être des stars sans y être, quoi. Voilà, c'est une star de la télé, une star de la politique, une star du cinéma, une star de n'importe quoi, pourvu qu'on parle d'eux, peu importe le flacon, ouais. Pourvu qu'on ait l'ivresse, en fait. Voilà, c'est un peu ça. Très bien, et c'est un phénomène très actuel aussi, hein. C'est vrai que aujourd'hui tout le monde est star. Il y en a certains. Ce qui est drôle, c'est qu'à une époque, une star, c'était pas une star de cinéma. Tout le monde allait au cinéma, tout le monde connaissait John Wayne, etc. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont des stars reconnus par un public et complètement inconnus d'un autre public. Et aujourd'hui, tout le monde peut être star sur Internet, il peut être influenceur, il peut être machin. Oui, puis les autres ne connaissent pas du tout. Le but, c'est d'être star, en fait. C'est pas de faire bien de la musique ou bien de faire du cinéma ou bien de faire je sais pas quoi. Le but, c'est uniquement d'être star. Ouais, c'est ça. Cette chanson parle de ça, en tout cas. Très bien, bon, on l'écoute tout de suite. Le groupe Lajari avec L'Ivresse. Je voudrais être une star, mais je ne sais pas comment faire. Je voudrais être une star, même si je suis pas légendaire. Je voudrais broyer du noir, mais je ne sais pas comment faire. Je tuerai père et mère pour la célébrité. Je finirai en prison en état d'ébriété. Je voudrais être une star, mais je ne sais pas comment faire. Fica atento. Narrado a quiz. Serem amadas com muita paixão. Dedicadas e poderosas, fazem tudo para agradar. As mulheres são mais vaidosas. Ah! voudrais être une star, mais je ne sais pas comment faire. Je voudrais être une star, même si je suis pas légendaire. Je voudrais broyer du noir, mais je ne sais pas comment faire. Je tuerais père et mère pour la célébrité. Je finirais en prison, en état d'ébriété. Je voudrais être une star, mais je ne sais pas comment faire. Être au moins une star éphémère. Une étoile qu'on jetterait par terre. Faut que je fasse du buzz en live sur les réseaux. Je prends une photo de ma gueule quand je suis à Monaco. Moi, ce qui m'a passé la thune, et surtout, surtout quand même. Une star de la politique ou une star du cinéma, une star de la télé ou une star de n'importe quoi. Peu importe le flacon du moment que j'ai livré. Être au moins une star éphémère. Une étoile qui explose en l'air. Si tu connais. La moitié, peu importe le flacon du moment que j'ai l'ivresse. L'ivresse. L'ivresse. Voilà, ben voilà, quand on dépend de la technique, voilà, on fait confiance aux machines. Et je vais vous raconter quand même, moi je suis comme ça dans l'émission Mavrika. Il y a des trucs au niveau technique qu'on n'aime pas trop dire dans les radios. Moi, dans l'émission Mavrika, je vous dis tout ce qui se passe dans les studios, puisque moi je suis ici, je suis dépendant des machines, et j'ai un ordinateur qui s'est arrêté pour faire une mise à jour, voilà, en plein milieu. Donc on est en train d'écouter la Jarry avec l'ivresse, et justement, bah ça a coupé. Donc ce que j'ai fait, je suis passé sur autre chose, et on a écouté, justement, on parlait de lui, monsieur Arnaud Walden, avec The Iron Troopers, et on a écouté un morceau qui s'appelle La vitesse de la lumière, Speed of Light. Donc voilà, ça nous a permis de faire une petite parenthèse, mais c'était pas volontaire du tout, et c'est comme ça, c'est le côté rock'n'roll de l'émission, puisqu'on est en direct avec le groupe La Jarry, en direct, hein, on est vraiment dans les studios, on est de l'autre côté du transistor. Si vous regardez, moi quand j'étais petit, je regardais dans le transistor, il y avait un truc pour brancher une antenne, et je regardais dedans, il y avait une lumière qui s'allumait, et puis j'imaginais qu'il y avait quelqu'un dans la radio. Donc ouais, j'étais petit. Hein. Bon, ça fait rire personne, mais bon. C'était sympa, c'était cool la radio. Ouais, ouais, on a rêvé. Hein. C'est-à-dire que moi, je me souviens, j'avais été au concert de Calogero, où il nous disait, voilà, et à sa fenêtre, il avait un mur. Donc il avait la lumière qui rentrait chez lui, mais il ne voyait pas au-delà de ce mur-là. Et un jour, ils ont eu un appareil pour explorer. Ce qu'il y avait derrière le mur. Cet appareil-là, c'était un synthétiseur, c'était un DX, je sais pas trop quoi, à l'époque, dans les années 80, qui était vraiment un truc révolutionnaire pour l'époque. Donc c'était leur vaisseau pour explorer ce qu'il y avait derrière le mur. C'est-à-dire que, en vérité, le monde qu'on a dans notre tête, qu'on s'imagine, il est de l'autre côté. En vérité, on ne sait pas exactement. C'est un peu comme l'autre côté du transistor. On s'imagine ce qu'il y a derrière, mais en vérité, on ne voit pas. Et cette imagination qu'on avait à une époque, aujourd'hui, finalement, on a des images pour tout. Et c'est bien aussi d'imaginer. Moi, des fois, j'imagine simplement. Je regarde pas trop les clips. J'essaie d'imaginer déjà les choses en écoutant juste la musique. Et après, des fois, je regarde le clip. Je dis, j'ai pas tout, du tout vu la même chose. Ou alors, si, exactement, c'est ce que j'ai vu. Mais c'est bien aussi de faire ça, de travailler son imagination. Je pense que c'est ce qui permet aux gens aussi de créer, de ressentir les choses, la musique pour ce qu'elle est, quoi. C'est, bah c'était, voilà. C'était la magie de la radio. C'est la magie, au départ, ouais. Ne pas voir le physique. Juste ne pas voir, bien sûr. Mais moi, je suis un peu comme ça. Moi, je sais que chez moi, bon, moi, j'ai un système stéréo qui est assez performant, qui j'ai même la télévision, et on peut regarder les choses qui se passent sur YouTube, sur ou même la télévision elle-même. Et à côté de ça, moi, je préfère écouter mes disques sans images. Je préfère écouter le son, vraiment savourer le son, sans les images. Je préfère avoir mon imagination à moi, quoi. Bon, après, c'est personnel, hein. Mais c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je crois qu'on a un petit peu oublié. Ah, c'est comme quand tu bouquines, hein, tu lis. Ouais, bah, voilà. Combien de bouquins sont bien meilleurs que les films desquels ils ont fait une adaptation au cinéma. Ouais, c'est ça. Hein, parce que finalement, dans le livre, on s'imagine l'atmosphère, on s'imagine l'univers. Évidemment. Et au cinéma, bah non, il a été construit, on le voit. Donc, et c'est pas forcément celui qu'on aurait imaginé, quoi. Donc, quand on a lu le livre, des fois, on est un peu déçu de voir le film. Bah, souvent, voilà. Très souvent. D'accord. Bah, voilà, c'est comme quoi. C'est important, l'imagination. Et puis, c'est aussi ce qui nous permet de créer. Je pense que vous êtes aussi comme ça. Si vous créez des chansons comme ça, c'est que vous avez beaucoup d'imagination aussi. Vous n'allez pas pomper les trucs à droite, à gauche. C'est quelque chose par rapport au ressenti que vous avez sur ce qui vous entoure, qui fait que... Non mais c'est vrai que aujourd'hui pour la musique en tout cas t'as ton clip déjà visible. En fait les gens découvrent ton titre souvent par YouTube par exemple. Par le clip. Hein. Par le clip et par l'image. Et c'est vrai que le message n'est pas le même. Je suis d'accord. Mmh. Mais après c'est bien aussi hein, parce que moi je suis premier, j'aime bien aussi voir les clips hein, par exemple vos albums je vous les découvre comme ça, mais après je suis curieux, je vais aussi voir les clips hein. La première impression n'est pas la même, ouais. Et c'est pareil hein, moi j'ai cette chance là de recevoir chaque vendredi des artistes ici dans les studios, et des fois j'écoute leur album, j'écoute leurs chansons, je m'imagine des choses et tout ça, et après j'essaie d'avoir leur version à eux, et quand ils m'expliquent après ce qu'ils ont voulu mettre derrière, quand je réécoute, je pense plus à ce qu'ils m'ont dit, voilà, je vais le réécouter différemment. Donc ça c'est important, c'est marrant comme on peut modifier la perception des gens juste en leur expliquant les choses, quoi. Donc la musique, c'est culturel, ça s'apprend aussi. Il y a des choses qu'on perçoit comme ça, et il y a aussi des choses qu'on apprend, donc c'est... Tout va ensemble, quoi. Oui, puis on la ressent tous différemment. C'est pour ça qu'on aime... On aime tous plus ou moins des artistes différents. Bah oui, en même temps, ça serait dommage que deux ou trois artistes qui se partagent la musique. Hein. C'est bien d'écouter plein de choses différentes. Moi, je suis le premier. Hein. Moi, je m'ennuierais si j'écoutais toujours les mêmes. Quoi. C'est bien d'écouter. Bon, la Jarry, j'aime bien. c'est vrai qu'il y a aussi ça vous est sûrement arrivé aussi d'écouter des fois des morceaux qui vous plaisent bien. Vous achetez l'album et finalement, dans l'album, il n'y avait que cette chanson-là qui vous plaît. Le reste, finalement, on a acheté l'album, on ne sait pas pourquoi, parce que le reste, on l'écoutera plus jamais. Et inversement, il y a aussi des albums, des fois, qu'on découvre, et on dit, non, tout est bon, et on l'écoute. Et ça tourne en boucle. Aujourd'hui, on a la possibilité d'écouter des albums sur toute une après-midi, par exemple, mettre un truc, et puis l'écouter, une fois qu'il est terminé, il recommence, et puis on se le met bien dans la tête. Pourquoi ? Parce qu'on est bien dans cet univers, et on a envie d'y rester plus longtemps, et d'écouter, réécouter, etc. Donc, voilà. Donc c'est une petite parenthèse, ça n'a rien à voir avec la Jarry, c'est comme ça que je perçois la musique, et je pense que beaucoup de gens sont comme moi, je ne suis pas un extraterrestre, je ne suis pas quelqu'un de différent, je pense que beaucoup de gens ressentent les choses comme moi, hein, tout simplement. Et après il y a aussi le fait qu'il y ait des musiciens et des gens qui ne sont pas musiciens. Moi je ne suis pas musicien, donc je ne vais pas analyser le côté technique. Ça me plaît ou ça me plaît pas, mais bon, quand on est musicien, il y a une déformation qui se passe à ce niveau-là. Vous regardez plus, aussi. Plus ou moins. Ouais. C'est vrai qu'on, une chanson, en fait, c'est ce qui te touche. Donc après que tu saches comment elle est composée, enfin comment elle est articulée, c'est sûr que nous, en tant que musiciens, on a un regard un peu différent, mais je pense que tu aimes ou tu aimes pas la chanson de toute façon. Mmh. Et puis, comme je l'ai dit plusieurs fois aussi dans l'émission, c'est qu'il y a des chansons, des fois, qui nous plaisent tout de suite, et finalement, on l'écoute deux ou trois fois, et au bout d'un moment, on s'en lasse très vite. Il y en a d'autres, des fois, qui nous plaisent et qui restent longtemps. Ça, c'est des bonnes chansons. Et après, il y en a aussi certaines autres qu'on n'a pas découvertes tout de suite, qu'on apprend à découvrir. Et après, par contre, celles-là, souvent, elles restent longtemps aussi. Moi, j'ai remarqué, moi, je suis comme ça, mais j'ai remarqué qu'il y en a certaines, des fois, qui m'ont pas plu plus que ça. Et je les redécouvre quelques temps après, puis là, je les écoute un peu plus, et puis finalement, je me dis, putain, ça, c'est une belle chanson. J'ai dit un gros mot, là. Voilà, c'est passé à la radio, c'est pas grave. Bon, ben, voilà, on est à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un message particulier à faire passer auprès des auditeurs de Radio Arc-en-Ciel? Bah, écoute, déjà te remercier de nous avoir accueillis. On est très content de venir. Toujours un plaisir. En émission, en interview ici sur Arc-en-Ciel, parce que ça fait partie des, nous en tant qu'Orléanais, des stations de radio qu'on a vu naître, tu vois, et avec laquelle on a grandi aussi. Donc voilà, ça fait très plaisir de voir qu'il y a encore des stations comme ça qui émettent et qui ont des super animateurs, qui font de la vraie radio avec du vrai feeling et une vraie passion. Avec voilà. Des vrais plantages et tout. Exactement, ça. Exactement, hein. Voilà, tu vois. Il fallait pas nous inviter parce que la dernière fois on a fait cramer la buvette à la sauce. Et là on a débranché le studio. C'est dingue. C'est vrai que tout à l'heure on était vraiment surpris. J'étais vraiment désolé. J'étais là avec ma souris, il y avait plus rien qui répondait. Puis l'ordinateur il redémarre. Puis il me dit mise à jour. Bon, bon c'est, voilà. C'est la magie. Merci Bill Gates. C'est la magie du rock'n'roll. Voilà, on a redémarré, on a continué l'émission comme si de rien n'était. On a écouté de la bonne musique. Heureusement, on a plusieurs ordinateurs, on peut passer d'un truc à un autre. Et puis, on a écouté notre ami Arnaud Walden, on est revenu à la Jarry avec l'ivresse. Et t'as vu, la Terre tourne toujours, en plus. Hein. Ouais, ah. Bah voilà, ce n'est qu'une émission de radio, en même temps. C'est vrai que, en fait, c'est de la radio. Ce n'est qu'une émission de radio, voilà, c'est le côté humain, c'est le côté, on est dépendant de machines, nous aussi on n'est pas parfait non plus, mais quelque part c'est ce qu'on a envie de mettre en valeur dans l'émission Maverica. Et c'est vrai qu'à un moment je voulais un peu évoluer et faire un peu comme les autres radios, passer plus des playlists et tout ça. Il m'a dit non, on aime bien justement quand tu parles, on aime bien quand tu dis des conneries aussi, quand tu te plantes, et puis c'est le côté humain, c'est le côté, et puis recevoir des gens, je crois que aujourd'hui ça devient de plus en plus rare, et puis et consacrer autant de temps aussi, 3 heures d'émission avec des invités, c'est formidable, quoi. Moi, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me donne envie de continuer à faire cette émission. Ça fait bientôt 15 ans, hein, au mois de juin. 630e, hein, t'as vu. 630e. Multiple de 3, ça rigole pas. Hein. Multiple de 3. C'est quoi votre chiffre préféré à chacun d'entre vous? Il y en a un, non, ou? Pas vraiment, non. Non, pas vraiment. Non, parce qu'il y a des gens, vraiment, ils sont attachés à un chiffre, et d'autres, non. Moi, c'est le 3, mais pas plus que ça. Après, je sais pas. Si c'est pas le 3, c'est pas grave, hein. Mais on est en 2025, et 2025, c'est un... Non, ça sera mieux en 2026, alors. Non, c'est un multiple de 3. C'est un multiple de... Non, en 2025, donc c'est la bonne année. C'est 2026 qui ira pas bien. Enfin, je sais pas. Voilà. D'autres choses à rajouter encore qu'on aurait oublié, hein, parce que c'est vrai que le temps est pas très vite passé. On a écouté les deux EP, on a eu le temps. Là, j'ai calé un morceau de l'album Super Époque. On revient... non, même pas, c'est plus ancien. Le titre Babylone, voilà, que je voulais passer parce que c'est un de mes titres préférés aussi, et je pense pas que je sois le seul. Ouais, c'est un autre titre. Ça, c'est un titre préféré. Ouais, qui marche bien. Un incontournable du concert, mais ouais. Si, bien sûr. Babylone. Voilà, donc on a tout dit. Bah, on a rien. Venez voir les prochaines dates de concert sur www.lajary.com, LAJA2RY.com. Ouais, le site. Et puis, mettez-nous plein de messages sur les réseaux. On adore les réseaux. Sur les réseaux sociaux aussi. Donc, il y a Lajary. Il y a plusieurs groupes en plus, Lajary. Il y en a Région Centre, etc. Ouais, alors je sais pas, il y a plein de trucs, quoi. Il y a l'officiel, et puis après, il y a des trucs. D'accord. Des trucs. Mais on est aussi sur Insta, évidemment, TikTok, enfin la totale. Ouais, c'est comme moi, j'ai eu une demande d'amis sur Facebook de Nicolas Sirkis, hein, qui a 50 amis. Je me suis dit, c'est bizarre quand même. Je pense que, à mon avis, il te considère parmi ses privilégiés. Ouais, je pense aussi. Et après, j'ai regardé, effectivement, des Nicolas Sirkis, il y en a, je sais pas combien. Je sais pas si vous avez eu la curiosité d'aller sur Facebook et de taper Nicolas Sirkis, vous allez voir qu'il y a énormément de compte. D'homonyme. Ouais, je pense pas que ce soit le vrai hein, derrière tout ça. Je pense qu'il a autre chose à faire aussi. Il travaille beaucoup et puis donc il est en tournée aussi. Donc voilà, c'est marrant qu'il y a des gens qui ont envie de prendre l'identité d'autres personnes pour se faire passer pour des artistes ou je sais pas. Bon, enfin c'est comme ça. Voilà, donc on arrive à la fin de cette émission. On va dire les phrases magiques. Que le rock and roll soit avec vous. Yes. Une vie sans musique serait une erreur. Yes. Et everything is gonna be alright. Bien l'accent. On le souhaite. Ou oh, l'accent. Excellent. Excellent. Moi j'ai un niveau troisième. Hein. J'ai arrêté l'anglais. J'ai fait de sixième à troisième. Donc voilà, c'est tout. Mais bon, après je le comprends bien, mais les Anglais eux ne me comprennent pas. C'est ça le souci. Voilà. Cette émission se termine. En tout cas, merci Benoît, merci David merci d'être venu dans les merci studios. Beaucoup. C'est toujours un plaisir. Bah, de toute façon, c'est pas fini. Nous, on va faire les photos. On va rendre l'antenne. On va faire les photos et puis on va encore discuter pendant un petit moment. Et puis c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Donc, dès qu'il y a de l'actualité, dès que vous avez envie de revenir dans les studios, vous me contactez. On se trouve une date et vous revenez. C'est vous gentil. Êtes ici à la maison. Il y a pas de souci. Bon à toi. Salut. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Et puis donc, on va souhaiter aux auditeurs une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end, une bonne semaine et rendez-vous la semaine prochaine dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc la semaine prochaine, je reçois ici Lustolacy. Voilà, c'est une découverte, donc on va la découvrir ensemble. C'est une... Vous la connaissez, non ? Pas du tout. Pas du tout. Bah, ça sera l'occasion de découvrir justement à tous les auditeurs. Donc moi aussi, moi le premier. Et la personne qui me la recommande, c'est une personne que... C'est, vous vous souvenez d'un groupe qui s'appelait Mansoul? Manu. Manu, un grand monsieur, que j'avais plus de nouvelles. D'ailleurs, on avait fait un, à l'époque, on faisait un Mavrika TV, donc des émissions de télévision, on en avait fait deux ou trois, avec des différents artistes, et il y avait Manu. Et donc, il revient, c'est lui qui me conseille cette personne-là, donc j'espère qu'il sera dans les studios, parce que ça fait quelques années que je l'ai pas vu. Et donc, Mansoul, qui a une voix, d'ailleurs, quand on chante la chanson Mavrika, qui est enregistrée au studio Emergence, c'est lui qu'on entend faire des vocalises, parce qu'il a une voix vraiment, il se sert de sa voix comme d'un instrument de musique, un peu comme toi aussi, hein, voilà. Il travaille avec sa voix et donc c'est un plaisir de le retrouver et de recevoir Lustolacy dans l'émission Mavrika. Le 21 mars on recevra Siragis, c'est moi qui écris mal, Siragis, donc c'est un nouveau projet. On recevra le 28 mars Azen Blues, un groupe qui jouera au prochain Mavrika Live. Le 4 avril on retrouvera le groupe Raskas. Je dis retrouvera parce qu'il y a des membres qui sont déjà venus, mais même si c'est la première fois que ce groupe-là vient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et puis le 13 juin, voilà, c'est pour les dates qui sont retenues. Vraiment, le 13 juin, il y aura Max de Giovanni qui viendra dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour cette émission. Ça a été bien sympathique. Le temps est passé très très vite. J'ai peur d'oublier quelque chose. C'est pour ça. J'ai l'impression que on a tellement speedé pour réussir à mettre tous les morceaux, à dire tout ce qu'il y avait à dire, qu'au moment de rendre l'antenne, on se dit j'espère qu'on n'a rien oublié. Bon week-end. Ouais, bon week-end. Ça c'est important. Amusez-vous bien. Éclatez-vous. Allez, on se quitte avec le célèbre morceau Babylon. Voilà, qui avait été le clip. C'était à New York, je me souviens. Voilà, on peut regarder les images dans sa tête. Et c'est comme ça un peu que je l'avais imaginé, hein, quand vous m'en aviez parlé. Quand j'ai vu le clip, ça m'a pas étonné. C'était New York tel que j'ai eu l'occasion de visiter aussi. Le groupe La Jarrie, merci beaucoup. À très bientôt. Salut. Bye bye. Qu'est-ce que...